Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est un fait jeu vidéo. C'est un fait, la chronique des choses qui sont tout le temps vraies. Tout le temps vraies, t'as tout beau... Tout le temps vrai, ben oui, écoute, tu vas pas dire n'importe quoi. Ben non, c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est faux. Hein? Internet, c'est une source fiable d'informations. Donc, commençons par Super Mario Brothers 3. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. J'espère vous apprendre quelque chose en vous disant que dans le manuel d'instruction de Mario Bros 3, ça dit que Bowser, qui est le gros méchant, a changé les gens du royaume champignon en blocs. Les mêmes blocs que Mario détruit. Donc, quand Mario détruit un bloc, il détruit un habitant du royaume champignon. Hein? Tu sais, parce que les gens... Tu sais, j'entends tout le commentaire. Ouais, ben, tu sais, pourquoi t'es contre la violence envers les animaux? Commence donc à être contre la violence contre les humains. Tu peux être contre les deux. À ce que je sache. Tu sais? Fait que, hein, pensez-y quand vous jouez à Mario Bros 3. Bon. Ensuite, parlons de Pac-Man. Madame Pac-Man... Madame Pac-Man. À l'origine, c'était un mod, donc une version modifiée illégalement du jeu d'arcade Pac-Man. Ça s'appelait Crazy Otto. Crazy Otto a été acheté par le distributeur nord-américain de Pac-Man, Midway, et a changé de nom pour devenir Miss Pac-Man. Donc, Miss Pac-Man, à la base, c'est un hack. OK. Je trouve ça cool comme film. Je trouve ça intéressant. Ouais. Parlons du jeu NFL Fever 2004, qui a une référence à l'émission South Park. Le jeu a une option où on peut renommer ou relocaliser une équipe existante de la NFL. Un des noms qui est offert, c'est les Cows, les vaches. Mais la seule ville disponible pour les Cows, c'est la ville de South Park au Colorado. Donc les South Park Cows, c'est le nom de l'équipe de l'école primaire, de l'équipe de football de l'école primaire de South Park. OK. Intéressant. Je trouve ça cool. Maintenant, dans le premier jeu Mortal Kombat, le personnage de Johnny Cage est basé sur Jean-Claude Van Damme. Ah ouais? Ouais, les créateurs voulaient que Van Damme soit la vedette du premier jeu de Mortal Kombat, mais Van Damme n'était pas disponible, n'a pas pu dire oui à cause de son horaire de travail. Donc, les vêtements de Johnny Cage dans le premier Mortal Kombat sont presque identiques aux vêtements que Van Damme porte dans le dernier match du film Bloodsport. Et son split punch, qui est un move qu'il peut faire, est pris directement, copié directement d'un move que Jean-Claude Van Damme fait dans Bloodsport. Et aussi le move Nutcracker split punch a été inspiré par le même film Bloodsport. Mais pas mal le fun, sans savoir. Parlons de Snatcher maintenant. Hideo Kojima a fait un jeu en 1988, un jeu sur PC qui s'appelait Snatcher. En fait, il était en développement ce jeu-là. Kojima voulait en fait, et ça c'est vraiment drôle, il voulait envelopper la disquette du jeu, okay, avec un produit chimique qui, lorsque réchauffé dans l'ordinateur, allait donner l'odeur du sang. L'odeur du sang? Tu mets la disquette qui est genre enveloppée de ça dans ton ordinateur, ça chauffe, ça donne l'odeur du sang pour que tu sentes le sang du jeu. Ça sent quoi, du sang? Bonne question. Faudrait commettre un meurtre. Ouais. je préfère une autre sorte de blague dans un autre sens. Ouais. Mais je la ferai pas. Non. On la fera pas. Non. On va se retenir. On met le tampon dans le... Dark Souls maintenant. Lorsque le successeur de Demon's Souls a été annoncé, il s'appelait Dark Rings. Dark Ring au singulier, excuse-moi. Dark Ring. Le nom a été changé à Dark Souls parce que Dark Ring est évidemment un euphémisme pour un certain orifice du corps humain. L'anneau sombre ou foncé. Pensez-y. C'est la deuxième fois que le nom a été changé. D'ailleurs, le premier était aussi risqué. Dark Race. C'est la race noire. T'sais, pas tellement réussi comme nom. Dans Final Fantasy VII, l'inscription sur le casque du personnage Genova est une référence au vrai monde. Donc, sur son casque, ça dit « Fabriqué à Hong Kong, tout droit réservé 1996, Square Company Limited ». C'est seulement en 2005, lorsqu'une version haute définition, une image haute résolution, est sortie, qu'on a pu comprendre ce que ça voulait dire 8 ans après la sortie du jeu. Donc, fabriqué à Hong Kong, tout droit réservé 1996, Square Company. J'aime ça. C'est écrit sur son casque, en plein au-dessus de sa face. Hein. Si on, là, ça, c'est vraiment épeurant pour moi. Parce que moi, j'ai facilement peur dans les jeux de Mario. C'est comme ça. Si on attend 30 secondes à la fin du niveau 4-4 Ghost House dans Super Mario 3D Land sur la 3DS, il y a un fantôme qui apparaît dans le coin et qui disparaît très rapidement. C'est la seule fois que le graphique est utilisé dans le jeu au complet. Le graphique ne sert absolument à rien. Il a été placé là seulement pour, j'imagine, qu'on le trouve. C'est comme un œuf de Pâques. Ce qu'on appelle un œuf de Pâques. Ouais. Mais ça fait peur, là. C'est vraiment un fantôme qui apparaît en arrière du jeu. Pas un beau petit bout, là. C'est pas bout normal, là. Non. Dans PlayStation All-Stars Battle Royale, qui est un nouveau jeu qui vient de sortir récemment, il y a un boss dans ce jeu-là qui s'appelle Polygon. Et en fait, Polygon Man, excuse-moi. Donc, à la base, Polygon Man est la première mascotte de PlayStation en 1995. Il était supposé montrer le pouvoir de la PlayStation première du nom, mais a été abandonné peu de temps après quand la PlayStation a été annoncée. Donc, même depuis l'annonce de la PlayStation, ça n'a jamais été utilisé. C'était avant ça. Donc, Polygon Man, c'est une face, un genre de. Un visage mauve avec des pics un petit peu partout dans sa face. C'était la mascotte de PlayStation. Ouais, bon. Pourquoi pas? On vit à Mario dans la version japonaise de Super Mario World pour la Super Nintendo. Yoshi pouvait manger les dauphins. Tu sais, il y a un tableau dans Mario World où tu es sur des plateformes vertes et blanches, un ciel derrière toi et de l'eau en dessous. Tu as des plateformes et tu as des dauphins qui sautent. Et là, le but dans ce tableau-là, c'est de sauter sur les dauphins pour se rendre jusqu'à la fin du tableau. Bon. Dans la version japonaise, on pouvait manger les dauphins, les avaler. Et dans la version américaine ou internationale, ils ont changé ça pour pas que tu puisses manger des dauphins. Bon, il y en a qui disent que culturellement parlant, on est plus gentil avec les dauphins. Tu sais, il y avait une émission assez fou, Respecte les dauphins, ouais. Avec Iwan. Avec Iwan, ouais. Mon grand ami. Tu sais, ça montre comment on respecte les dauphins en Amérique du Nord. Donc, mais d'autres disent que c'est simplement pour rendre le tableau plus facile parce que comme ça, si tu manges pas les dauphins, tu peux plus facilement monter sur les... Si tu peux faire aller ta langue ou accrocher ton bouton sans manger le dauphin puis tomber dans l'eau puis mourir parce que des boules de pique dans l'eau. T'sais. Donc, si tu peux pas les manger, tu vas pouvoir avancer plus facilement. Voilà. Et là, on dit à la fin, et ça, je trouve ça vraiment bizarre, à la fin de l'article, ça dit « On a remis la possibilité... attends un peu. On a remis la possibilité de les manger dans les versions de Super Mario World pour le Game Boy Advance. On l'a pas rajouté. Non. On l'a juste pas enlevé. Ouais. Pas pareil. On n'a pas recodé la possibilité. Mais bon. Et pour terminer, la marque blanche sur la poitrine de Knuckles dans Sonic. Tu sais, Sonic, personnage de jeu vidéo, il y a un ami qui s'appelle... Ben, un ami. En tout cas, dépendant des jeux. Un ami ennemi. Knuckles, qui au départ allait être le symbole de Nike. Le symbole blanc sur la poitrine de Knuckles était supposé être le crochet de Nike. Oh, ouais. Ouais, mais finalement, leur partenariat s'est écroulé et Sega a changé pour faire seulement un croissant, genre de bouche, si on veut. Oh. Donc, c'est un restant. Même aujourd'hui, il porte encore cette bande blanche-là parce que ça fait partie du personnage. Mais sachez que c'est un restant d'une commandite abandonnée avec Nike. Fascinant, je trouve. Ouais, tout à fait. Voilà pour c'est un fait. Jeu vidéo. Cool. Merci, Matt. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Ici, on va aller voir une petite nouvelle pour vous, mesdames. Eh bien oui, pour vous, mesdames. On pourrait dire aussi pour vous, messieurs, parce que on apprend que pour rentrer dans leurs talons hauts, plusieurs femmes, sont prêtes à se rétrécir les orteils. C'est les faire couper ou bien vraiment se mettre les petits pieds, les orteils par en dedans. On va aller voir. Donc, douloureuse et non conseillée pour la santé des pieds, les paires de chaussures à talons hauts plaisent tout de même aux femmes. Alors, pour contrer cette douleur qui est à... Attends un peu. Ah oui, vraiment. Je viens de... Oui, c'est OK. Donc, pour contrer cette douleur, la nouvelle mode est à la chirurgie plastique pour les pieds. Celle-ci consiste à rétrécir la longueur des doigts de pied ou des orteils pour ne pas ressentir la douleur. J'avais de nombreux problèmes à mon pied gauche, dit une femme, et cette chirurgie a été la solution à tous mes problèmes, ce qu'a déclaré Suzanne Deming, une patiente qui a subi ce genre d'opération. Suzanne avait certains orteils plus longs que d'autres, un problème pour elle, puisque son pied gauche était du coup plus grand que le droit. Elle a donc décidé de rétrécir ses orteils trop longs d'un centimètre, et je me suis jamais senti aussi bien et fier, a-t-elle expliqué au journal. Mais le rétrécissement des orteils est seulement une caractéristique, car les femmes qui ressentent de la douleur en se chaussant de talons hauts ont aussi recours à d'autres opérations comme de l'injection de collagène dans la plante des pieds pour ajouter un peu plus de volume et augmenter le coussin sous le pied. La chirurgie la plus incroyable est certainement celle de l'ablation totale du petit doigt d'orteil, le petit orteil. Celle-ci est réalisée dans le but de rentrer son pied dans des chaussures très étroites. Ça se passe peut-être au niveau du cou, l'étroitesse, par contre. Hein? On pourrait dire ça comme ça. On va aller parler ici de ce... Puis les images sont en lien. Il y a une vidéo aussi qui est en lien. Et puis, ça vaut la peine. On va parler du métier qui serait un des plus dangereux du monde. Ce serait gardien de cobra. Qui serait un des métiers les plus dangereux, finalement. Une des tâches qui revient à cet homme consiste à nettoyer la cage des serpents. Ils sont une centaine à vivre dans le même endroit clos. Et lorsqu'il vient le moment de passer un coup de balai, ce gardien manipule les serpents avec un courage assez étonnant. Autant dire qu'il fait sans doute un des métiers les plus dangereux du monde. Je pense qu'il y a des choses les plus dangereuses, même certains métiers de la soudure en plongée sous-marine ou des trucs du genre. Je suis sûr que c'est plus dangereux que ça. Non, mais gars, on va aller voir ce qu'ils en disent de plus. Alors que la simple vue d'un cobra suffit à faire tourner l'œil à un bon nombre de personnes, cet homme qui prend un malin plaisir à les attraper, à les jeter loin, plus loin, non? De plus, il n'utilise aucune protection lorsqu'il manipule ses reptiles. D'ailleurs, il ne leur montre aucune peur, et cela à aucun moment. Il n'hésite pas à charrier les serpents eux-mêmes et même à les défier, sans doute habitués à ce rituel. Les animaux ne tentent pas de le mordre et se laissent faire par le gardien. C'est donc sans ménagement qu'il attrape les différents serpents. L'homme ne se pose pas de questions et fait uniquement la tâche qui lui incombe. Cette vidéo a fait le tour du web et a été visionnée plus de 6 millions de fois, soit presque autant d'internautes qui ont été fascinés par l'impressionnant sang-froid de ce gardien de cobra. La cage grouille de serpents, mais c'est donc avec une véritable assurance qu'il s'empare de chaque reptile. Je vous invite, à aller voir ces images, quand même assez extraordinaires. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Hey Maître Lebrun, j'en profite en fait pour vous souhaiter la bonne année en ondes. Ah ben merci François. Que 2013 soit une année merveilleuse. Bon, tu pourras me tutoyer aussi en 2013. Okay, puis appelle-moi pas Maître. Donc le voici, Mike Brown, comme on l'appelle. Oh, oui. Panier en salade. Bon matin, Maître Michel Lebrun. Bon matin, Mathieu. On est trop poli le matin. Ben oui, c'est... On commence l'année en beauté, là. Ben oui, c'est... On est un peu formel en début d'année. Bonne année, née de grandeur tout à fait appropriée. Tu sais, pour pas être méchant. Et toi, pareillement, belle dent blanche. Je me suis pété une dent pendant les fêtes. Ouais. C'est pas sérieux. J'ai un bout de dent pété. Ça fait mal, je le sens quand je parle. C'est plate. Ouais, c'est même pas le fun. Ta langue, ça ramasse tout le temps, là. Mais exactement. Ouais. Tout le temps, j'ai tout ça la langue des dents. Il y en avait un qui avait la langue dans notre oreille. Dans ton oreille. Oui, hey, justement, David Ferron sera plus après toi dorénavant. Ah non. Non. Parce qu'à un moment donné, t'as comme fait une blague, puis... Ah, il l'a pas il se sentait un peu mal à l'aise. Il a décidé de mettre une distance entre nous. Il a déménagé. Il n'y aurait plus personne après moi. Oui, ça va être la semaine prochaine, Anne-Julie Durocher. Oui, Anne-Julie Durocher. Bon, tu vas être choyé, en fait, c'est une belle dame. OK, bon. les aveux sont faits en... Non, on est gentils en 2002, peut-être. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Michel? Ah, écoute, j'ai réfléchi un peu pendant le temps des fêtes, et puis je pensais au... qu'est-ce qui pouvait être la nouvelle de l'année 2012, parce qu'on voyait plein de revues de l'année, là, ouais. en fin de l'année, puis vous savez à quel point j'aime ça... rendre hommage à notre gouvernement canadien. Surtout depuis que les conservateurs sont au pouvoir. Puis, Harper tatoué sur le cœur. Ah, complètement. Puis bon, on envoie des jeunes en prison. On met des peines minimales. L'emprisonnement, tout ça. Et la nouvelle, ce que j'ai découvert, parce que j'avais pas commencé assez fou à l'époque, mais ce qui m'est apparu comme étant la grande nouvelle de l'année, c'est la réintroduction de la torture au Canada. Au mois de février 2012, il y a une nouvelle qui est sortie dans les médias où on a découvert que le gouvernement canadien avait donné une nouvelle directive à ses ces agences, à l'agence, en fait, la CRS, là, ouais, pour leur dire que avant on avait une, et je pense que en tout cas ça, il y a des minimums, il y a des planchers qui semblent tomber, il y a des choses qu'on croyait acquises là au niveau des droits ou des procédures, et une des choses que le Canada s'était fait un peu le champion au cours des années, c'était l'élimination de la torture et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'au niveau de la civilisation canadienne, c'est un fait un peu acquis, qu'on ne doit pas soumettre des gens à de la torture. Et lorsqu'on sait ce que c'est la torture, c'est quelque chose d'assez grave. t'as pas le goût d'en avoir. Non, il y a de la torture psychologique, il y a de la torture... ce qu'on voit, ce qui se fait dans plusieurs pays, c'est assez affreux. Et, c'est pas humain. Ben non, exactement. Là, et puis, tu vois, dans ta chronique, Mathieu, tu parlais de mauvais traitement envers des chevaux là, aux États-Unis. Bon... lors du tournage d'une télésérie, mais les mauvais traitements envers les êtres humains, ça a fait l'objet, évidemment, bon, pas besoin d'expliquer pourquoi c'est odieux, c'est atroce, et puis on avait, comme le Canada disait, d'aucune façon, ni de près ni de loin, on va s'associer à des actes de torture. On peut pas tolérer ça. Non, on peut pas tolérer ça, donc, ni au Canada, ni en pays étranger, faut tout faire pour décourager ça. Là, l'an dernier, on a mis un petit bémol à ça, et la façon dont ça a été présenté, c'est de dire, ben, s'il y a un danger imminent pour la société... Et ça a fait l'objet d'un débat. Le NPD, qui est le parti d'opposition au Parlement, a dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Le Canada va permettre maintenant l'obtention d'informations par la torture, ou va encourager ça, ou va utiliser des informations obtenues par la torture. Et on a posé une question au ministre, qui s'appelle le ministre Stose, et je l'ai sorti sur Internet. La réponse, j'étais un peu sidéré d'avoir la réponse. Le ministre s'appelle... Attendez un petit peu, je vais la retrouver. J'ai de la misère à croire que c'est toléré vu qu'on a la Charte des droits et libertés. Ben oui, mais là, elle s'applique pas aux gens qui sont à l'extérieur du pays. Elle s'applique pas aux gens. Ah, ok. On dit. Attendez un peu, je vais la retrouver. Là. Oups. Je l'avais mis sur mon. Le ministre de la Sécurité publique s'appelle Vic Toews et il dit. Il dit, vous recevez un appel, il fait une mise un peu sa politique de cette façon-là. Il dit, vous recevez un appel provenant d'une entité étrangère qui a la réputation de se livrer à la torture. On vous dit que dans quelques minutes, une bombe pourrait exploser dans un avion au Canada. Comment réagissez-vous? Tentez-vous d'aider les personnes à bord ou ignorez-vous les renseignements par principe? Là, Victoz, le ministre de la Sécurité publique du Canada, dit, voyons donc. Et là, c'est des arguments... un peu, il dit, et là il répond au député du NPD qui lui pose la question, il dit, voici un député qui, s'il savait, parce que lui il critique un peu l'utilisation de la torture, s'il savait qu'il y a un avion avec de ses électeurs à bord, des hommes, des femmes et des enfants, qu'il obtenait de l'information qui provient d'une source douteuse, il ne ferait rien. Donc, il dit, vous, là, vous allez laisser les gens mourir. Ah, alors, ouais. Ce que le député du NPD répond, il dit, là, écoutez, vous donnez des... C'est une suggestion absurde de dire qu'il y a une séance de torture à la Jack Bauer, là. Vous avez fait des émissions 24 heures. Et vous savez bien que dans la réalité, là, c'est beau dans des émissions de télévision, mais là, de savoir qu'une bombe, il reste 60 secondes, puis là, on va torturer quelqu'un pour obtenir l'information. C'est des scénarios de films, là. Donc, qu'est-ce qui arriverait dans une situation aussi extrême que celle-là? Je pense bien que... T'espères que Bruce Willis est dans l'avion. Ben, exactement. C'est ça. Ou ben... Ben, c'est ça, tu sais. Samuel L. Jackson. Et puis, on se dit, avec des exemples comme ça, aussi aberrants que ça, on est en train de justifier et d'encourager la torture, supposément, dans d'autres pays. En tout cas, on va utiliser des informations qui sont obtenues sur la torture. Faut comprendre que... Et on a réalisé au mois d'août que cette directive-là a été donnée aussi à la GRC, aux douanes. Et dans le fond, la réalité de cette directive-là, c'est pas un avion qui va être sur le bord d'exploser, c'est une menace sérieuse à des personnes ou à des biens canadiens. Canadien. Donc, des biens, là, ça peut être pété un pneu, ou en tout cas, pour moi, la directive est beaucoup plus large que l'exemple aussi extrême là, où on dit qu'on pourrait favoriser la torture. Et faut voir que quand tu fais de la torture, tu sais pas tu sais pas l'information que tu vas recevoir. Ben oui, ben c'est ça. Puis c'est pas dans une situation. C'est, tu peux pas torturer quelqu'un parce qu'il y a une bombe qui va sauter dans une heure. Là, la torture, là, c'est utilisé dans des pays. Des dictatures, des pays, des républiques comme l'Iran ou des républiques islamistes ou des choses comme ça. Et les Américains aussi. On suit en ça un peu l'exemple américain, puis j'en parlais un petit peu l'an dernier, l'espèce de régression qu'il y a au niveau des droits depuis le 11 septembre. On justifie le recours à la torture. Et ce que les Américains ont fait, eux autres, c'est qu'ils ont sous-traité la torture. Ils l'ont. Ils ne le font pas aux États-Unis, ils n'ont pas le droit de le faire, c'est illégal. D'ailleurs, c'est criminel. Tous les actes de torture, séquestrer, battre, pas le droit, ces choses-là, c'est des choses... Simuler la noyade. Essayez de faire ça à votre voisin pour à cause qu'il pète de la neige chez vous. Ben, c'est ça. Puis après ça, ben, vous verrez ce que la police ou les tribunaux vont vous donner comme sentence. Mais c'est très grave. Et puis, ce que les Américains ont fait, c'est qu'ils... Ils sous-traitaient, dans le fond, ils demandaient à des pays qui pratiquent la torture d'arrêter des citoyens qui voulaient interroger ou des gens qui soupçonnaient d'être des terroristes, des choses comme ça, et ils les faisaient torturer dans les autres pays. Ou même les Américains les promenaient d'un pays à l'autre pour les torturer dans d'autres où pays. Où c'était légal. Ou même être dans un pays où ils ne pourront pas être accusés par les tribunaux américains. C'est comme quand tu appelles chez Bell pour le soutien technique, ils sont aussi en train de torturer quelqu'un. Ils font ça en même temps qu'ils te parlent au téléphone, ils sont payés 10 $. C'est fou, c'est ça. Ils font les souliers en même temps. C'est ça. Et puis, c'est tout un petit peu dans la mouvance un peu de ce que je trouve qui est une régression au niveau des droits ou de l'approche envers les droits de la personne. Puis ça va un peu dans le sens. Tu parlais d'une émission, et dans le temps des fêtes, ça m'a frappé également. Il y a un film qui a été fait sur l'événement ou la mission qui a eu... Zero Dark 30 avec pour Osama Bin Laden, c'est ça? Exactement, oui. Exactement. En français, c'est genre opération quelque chose ou whatever. Je cherchais le nom du film parce que je ne me rappelais plus. J'ai vu ça à l'émission de David Letterman, oui. Un acteur qui a joué dans ce film-là. Et j'ai trouvé ça un peu surréaliste. David Letterman, qui est une émission que j'adore personnellement, que j'enregistre et puis j'écoutais ta liste des invités cette semaine, puis je vais la réécouter encore. Good. Mais... la façon dont David Letterman présente son invité qui vient, un acteur dont j'oublie le nom, il dit un nouveau film qui vient de sortir, qui raconte l'assassinat et l'exécution de Ben Laden. Donc, et là, on applaudit l'acteur, et là, on parle de tout le réalisme de ce film-là, qui a été fait par le réalisateur de ce film-là, qui est une femme qui avait fait le film Hurt Locker. Le Démineur. Le Démineur, c'est ça. C'est un film qui est bon, mais ce sont des films qui sont fondamentalement militaristes. C'est pas des films... C'est des films qui parlent de comment c'est dur d'être un soldat et comment... Et comment ils sont bons, et c'est des héros, et on est bons, et les autres sont méchants. Exactement. Puis ça me rappelle aussi, il y a eu un film qui s'appelait Black Hawk Down, il y a quelques années, on dénonce un peu la guerre, mais en fait, on dénonce le fait que des Américains sont morts dans un combat, et à la fin du film, on voyait la liste de tous les soldats américains qui étaient morts, et on disait... Il y avait une mention qu'il y avait à peu près 2 000-3 000 Somaliens qui avaient été tués par les Américains. Aussi, là, c'est pas important, aussi, mais c'est ça. Mais il y avait le nombre qui passait lentement de la vingtaine de soldats américains qui étaient décédés dans ce combat-là. Et là, on a David Letterman, qui est une émission, comme je vous dis, qui est extraordinaire, que j'aime bien, qui dit, bon, on va parler de l'assassinat de Ben Laden. Donc, on a assassiné quelqu'un. L'acteur vient, on parle de ça. Puis là, il demande à l'acteur, et il dit, vous, est-ce que ça a affecté votre vision un peu de la politique ou de notre rôle dans le monde et tout ça. Absolument pas. Il dit, moi, j'étais content d'avoir une job comme acteur, premièrement. Puis ça, la politique ne m'intéresse pas. C'est un peu la morale de ça. Puis c'est un peu... je dis, ceci explique cela. L'idéal pour cet acteur-là, c'est d'avoir une job et puis c'est de jouer dans des films comme ça. Et le message qui passe, c'est de dire c'est un sport extrême. Ce qu'on fait, c'est des assassinats. On va vous montrer la mécanique de comment on s'y est pris pour aller tuer Ben Laden. Mais jamais on remet en question le fait de le faire de cette façon-là et de ne pas lui faire un procès, de pas lui donner la chance de s'expliquer. Et... c'est ça, l'aspect de régression qui existe actuellement. Puis, elle nous a rejoint au Canada en 2012 avec l'histoire de la torture. Et c'est assez fascinant de voir la justification qui est utilisée. C'est quasiment une scène d'un film comme celui-là. Ouais. Donc, on perd lentement contact avec la réalité et ça nous amène à avoir des discours aussi aberrants que celui qu'on a entendu, c'est-à-dire on va avoir recours à la torture. Et à part de savoir, je pense que normalement, ça devrait nous révolter de penser à, quand on pense à tous les gestes de torture qui peuvent être utilisés et qui ont été utilisés par les Américains, quand on parle même, c'est pas juste de la torture psychologique ou de mettre des gens dans des cellules où ils ont froid pendant des journées de temps, où on leur joue de la musique à tue-tête, du heavy metal pendant des journées de temps. Tout le temps la même chanson. Ouais, c'est ça. On peut imaginer certaines chansons là, que ça serait inhumain. Là. Ils jouaient pas du genre Sesame Street ou quelque chose comme ça. Ils avaient joué, ou Barney, je pense. La chanson de Barney, tu sais, le gros mauve. Ils jouaient des affaires comme ça pour les autres. L'espèce de noyade et d'immersion là, dans l'eau. Bon, en tout cas. Lequel est le pire entre Barney puis ça? Et puis là, on justifie ça avec des scénarios de films d'action. Il y a des gens qui vont dire, là, aujourd'hui, on est peut-être moins hypocrite qu'avant. C'est des choses qui sont toujours faites. Mais maintenant, on se cache plus, puis on dit qu'on le fait. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ces choses-là qu'on soupçonnait qu'ils pouvaient se faire ou qu'on voyait dans certains films, lorsque les médias ont réussi à exposer ça, à montrer que les Américains en faisaient des choses comme ça, la réaction, ça n'a pas été d'abolir ça. Ça a été de mettre des lois ou des directives comme ça qui les justifient. Mais au-delà de ça, cette technique-là de la torture, il faut comprendre que c'est pas juste affreux, c'est que c'est une méthode qui est complètement inefficace. Puis ça m'amène à un sujet qui moi, m'intéressait et qui touche peut-être un peu la pratique dans notre justice criminelle, c'est le phénomène des fausses confessions. C'est-à-dire que même quand on utilise la torture, qu'est-ce qui nous... pour extraire de l'information à quelqu'un... qu'est-ce qui nous dit que ces informations-là sont utilisables, sont vérifiées, sont fondées? Tu veux que ça arrête la torture, donc tu dis n'importe quoi. Tu veux que tu dis ce qu'ils veulent que t'en... Exactement. Dise. Et ça, ce nouveau développement-là va tout à fait dans le sens contraire de ce qu'on a appris, la psychologie nous a appris et ce que l'expérience nous a appris au cours des années, au cours des siècles. C'est quelque chose qui est peut-être difficile à croire pour les gens, parce qu'on dit ça, mais il y a des gens qui vont avouer des crimes, et c'est documenté, et c'est fréquent, qu'ils n'ont pas commis. Et pour avoir une sentence moins élevée aussi. Il y a toutes sortes de raisons. Oui. Et c'est un phénomène qui a été étudié, puis j'ai vu un article qui était dans la revue des Economist, une revue anglaise qui est très sérieuse, et qui se posait cette question-là. Et puis c'est un phénomène. Il y a un organisme aux États-Unis qui s'appelle The Innocence Project. C'est un groupe, une espèce d'organisme à but non lucratif, qui se donne comme mission de faire, de corriger des erreurs judiciaires, des fausses condamnations. Puis aux États-Unis, on sait qu'avec la peine de la mort, il y a plusieurs personnes qui ont été exécutées, qu'on a réalisées par après, avec les développements avec l'ADN et ces choses-là, que ces gens-là étaient innocents. Et la revue d'Economist fait une certaine recension des études qui ont été faites sur ce phénomène-là, des fausses confessions. Puis lorsqu'on demande à des jurys potentiels on fait des sondages, on dit « Pensez-vous ça que des gens pourraient avouer avoir commis un meurtre quand ils ne l'ont pas commis? » Les gens ont de la misère avec ce concept-là. Les gens ont de la misère à croire ça. Il y a des expériences qui ont été faites en psychologie dans des universités. Et il a été démontré que c'était étonnamment facile de faire admettre à des gens des choses qu'ils n'ont pas fait. Puis je vais vous donner une expérience qui a été faite. On fait venir des étudiants et on leur dit qu'on veut faire une expérience sur la vitesse de réaction. Donc, on va leur dire, on les met devant un écran d'ordinateur, puis on leur dit, si on dit de peser sur U, tu pèses sur U. Et là, on va mesurer le temps, votre temps de réaction, tout ça. Donc, il y a une multitude d'étudiants qui sont là-dedans. On leur dit avant, on dit, il ne faut pas appuyer sur la touche Alt, A-L-T, là, parce qu'il y a quelque chose de défectueux, ça va faire planter tout le système informatique, si jamais vous touchez à cette touche-là. Alors, maintenant, il y a une centaine d'étudiants qui sont là. Et là, on commence à donner des directives, puis tout d'un coup, le système plante. Donc, l'animateur dit, il y a quelqu'un qui a touché la touche Alt. Et on isole des individus, et là, on finit par les accuser d'avoir été la personne qui avait effectivement touché la touche Alt. Et dans un groupe de 80, je pense qu'il y en a une dizaine de gens qui, confrontés à ça, c'est vrai, puis tout ça. Alors que C'était clair que ces gens-là n'avaient pas touché. Mais tu sais, pour se débarrasser, vu. Il n'y avait même pas d'enjeu, rien. Là, non, effectivement. Okay. Et une autre expérience qui a été tentée, des gens, on les met. On dit qu'on fait un concours, un taste test, là, un peu comme. On met une dizaine de canettes de liqueur. Ouais. On cache la marque. La marque avec un genre de beau, quelque chose qui est facile à lever ou à torser. Puis on laisse les gens seuls dans une pièce, mais on leur dit qu'ils doivent. Qui vont gagner un prix assez important s'ils réussissent à deviner les choses. Mais ils ont une certaine occasion où ils sont devant les canettes ils peuvent vérifier. Et les noms. Et ils ont des caméras pour surveiller ces personnes-là. Puis là, ils se mettent à accuser les gens. Puis ils leur disent, on a des caméras qui disent que vous avez... Et en fait, il y a des gens qui ne l'ont pas fait du tout, mais ils l'avouent. Il y a des taux d'aveu qui sont assez faramineux. Puis ça a été expliqué. On dit, il y a plusieurs études qui sont faites là-dessus. Ouais. Et on dit, il y a des gens qui, tout simplement, disent, si on leur dit qu'il y avait une caméra, ils vont avouer, puis ils vont dire, c'est pas grave. Quand on va voir la vidéo, ils vont dans leur tête, ils se disent, okay. Bon, ben, tu sais, plutôt que. Mais c'est surtout l'impact, puis c'est là que ça rejoint un petit peu mon argument au niveau de la torture. Les gens ont beaucoup ils peuvent être facilement intimidés par l'insistance, par le pouvoir, par l'autorité. Mais pas par les conséquences. Moi c'était plus les conséquences. Mais mettons, ta vie est en jeu, tu pourrais mourir. Okay? Non, mais c'est parce que. Ouais, et justement, c'est ça. Ces études-là, bon, les gens vont dire. Ben, peut-être que pour quelque chose d'aussi banal que ça, les gens vont avouer pour se débarrasser parce qu'ils sont pressés ou parce que... Parce qu'il n'y a pas de conséquences. XYZ. Pas le temps de niaiser. Ben, si vous allez voir sur Wikipédia ou si vous tapez sur Google le mot « false confession », comme j'ai fait moi-même hier, vous allez voir des cas très nombreux, des cas de fausses confessions pour des crimes graves. On a eu au Québec, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Simon Marshall. Simon Marshall, qui est une personne... qui vivait à Québec, qui a confessé une série d'agressions sexuelles, mais qui était une personne qui avait des problèmes de mentaux. Donc, il y a déjà... Et tu te posais la question, François, ou toi aussi, Mathieu, comment que les gens peuvent avouer des crimes graves? Il y a des gens qui sont des malades mentaux, tout simplement. Il y a des gens qui sont intimidables ou influençables. Il y a des gens... On a même divisé ce type de fausse confession-là en disant... Bon, il y a des gens qui disent... des choses fausses pour protéger quelqu'un, par exemple. Il y a des gens qui vont... On a vu ça, des parents pour leurs enfants, qui prennent le blâme pour un crime que leurs enfants peuvent avoir commis. Il y a des gens qui vont être tout simplement intimidés, puis il y a des gens qui sont assez fous pour croire qu'ils ont commis des crimes ou être amenés à croire qu'ils ont commis des crimes. Ah, c'est peut-être moi qui l'ai fait. Ou... C'est fascinant, mais la façon d'interroger des gens, la pression qui peut être mise sur ces personnes-là, ça peut les amener à douter même d'eux-mêmes. Et les longues périodes de temps aussi, là, ça se passe quoi? Un interrogatoire peut se passer... Ah, ben, c'est, exactement. Et c'est là que toute la... Ici au Canada, l'évolution des connaissances en psychologie a fait que les tribunaux sont devenus excessivement prudents, même envers des aveux. Avant d'accepter un aveu de quelqu'un en cour, ben, faut prouver que ça a été fait de façon libre, volontaire et tout ça. Et c'est justifié parce qu'on a recensé des multitudes d'erreurs judiciaires. Il y a des cas là, où c'était 4 ou 5 personnes qui se sont livrées à des aveux. Puis il faut voir aussi la mécanique. Il y a certains cas américains qui sont montrés. Puis aux États-Unis, on a aussi la peine de mort. Il y a des gens à qui on va dire, écoute, on va les confronter avec de la preuve. On va dire, on a des éléments de preuve. Il y a une vidéo qui te montre ou quelque chose. On peut inventer ça là, dans le cadre d'interrogatoire. Mais si on convainc la personne que... Même si lui, il dit, je ne l'ai pas fait, mais bon, je suis sûr d'être trouvé coupable. Ben la personne, le plan B, ben, c'est d'essayer d'aller en chercher le moins possible ou d'avoir de s'en sortir le mieux possible. Et c'est vrai dans des cas où, et je me rappelle, un moment donné, j'avais vu une conférence, Serge Ménard, qui est un ancien ministre, mais qui était un avocat de défense à l'époque, qui parlait de ce qu'était le plea bargaining. Il disait, lorsque quelqu'un... est accusé d'un crime pour lequel il peut être condamné à mort et que c'est facile pour quelqu'un qui a commis l'infraction. Si on lui offre la prison à vie au lieu de la peine de mort, ben, il va l'accepter tout de suite parce qu'il l'a commis le crime et il sait que la preuve est solide. Mais celui qui ne l'a pas commis, mais que les procureurs de la couronne prétendent qu'il l'a commis, lui, il se fait offrir la prison à vie. au lieu de la peine de mort. Est-ce qu'il va la prendre, la prison en vie? Ou il va risquer sa vie en risquant d'être trouvé coupable puis être condamné à mort, être exécuté? L'histoire a démontré qu'il y a des gens qui sont allés jusqu'à plaider coupable pour toutes ces raisons-là. Il y a une multitude de cas qui sont documentés là-dessus. Ah, c'est sûr. Puis là, quand on va plus loin que ça, on tombe dans des pays comme il y a la Russie, l'Iran, des pays où pour diverses raisons on torture pour des fins politiques des gens. Ben là, dans le temps de l'Union soviétique, là, il y a eu des procès où tout le monde passait avouer leur crime ou faire leur autocritique, comme on faisait en Chine aussi. Et puis, il y avait des bleus partout, mais là, ils s'auto-accusaient de n'importe quoi, de n'importe quel crime. Et ça arrive même dans le contexte du droit occidental, là, où on a ici, aux États-Unis puis au Canada, quand même des certaines garanties. Puis les tribunaux examinent ces interrogatoires-là de façon... essaie de scruter, voir si les conditions sont réunies. Là. Mais les interrogatoires sont... par la loi, doivent être filmés, non? T'as un bon réflexe, François. C'est une des choses que nous, les avocats qui défendent des accusés, on prône ça depuis longtemps. Et c'est une des choses qui est invoquée comme étant une des meilleures garanties pour éviter justement qu'il y ait des fausses confessions, des faux aveux. Et lorsqu'on regarde la plupart des cas où il y a eu des gens qui ont avoué des crimes alors que l'ADN ultimement a prouvé qu'il n'était absolument pas coupable, la personne dit, j'ai été brassé un peu par les policiers, on m'a soit physiquement ou moralement un peu... Ça faisait 36 heures, j'avais pas dormi. Intimidé. Il y a des techniques qui sont physiques, qui sont de la brutalité physique. Il y a des techniques qui sont... inspiré de la psychologie. Il y a une technique qu'on appelle la technique Reed. Là. Il faut voir, il y a certains de ces interrogatoires-là qui sont enregistrés sur vidéo, mais il n'y a aucune règle au Canada encore qui nécessite ça. Okay. On peut arriérer, ça. Non? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Moi, je vous dis, mon argument, c'est toujours le même. On passe des heures en cours. Mettons que l'accusé prétend qu'il a été intimidé ou qu'il a été menacé ou peu importe. On passe des heures, des jours à débattre de ce qui s'est passé dans ces salles-là d'interrogatoire avec une cassette. Puis les disques durs, ça coûte combien à cette heure? Argent? Ça me semble, tu enregistres ça numérique au pays. Pas besoin de dépenser pour des cassettes. T'sais. Moi, je prétends que lorsqu'on n'enregistre pas, il y a une certaine... c'est suspect. Il y a quelque chose... Un texte. Tu sais, mettons, on dit tout le temps, tu sais, t'as mal compris ma façon de penser sur le chat ou sur Facebook parce que le petit bonhomme sourire n'était pas là. Il me semble, la fille à dactylo, peut-être qu'elle n'a pas toutes les émotions des gens, peut-être que c'est pas nécessairement exactement ce qui s'est passé. Ça devrait tout être filmé, tout devrait être filmé. Ben, une épicerie, on filme une épicerie parce qu'il pourrait y avoir un accident de panier. T'sais. Je vous dirais... non, mais ben oui, les endroits, puis moi je l'ai noté au cours des années, les endroits, on est de plus en plus filmés partout où on va. Ben oui. Et de moins en moins filmé dans des postes de police. Et là, je veux pas critiquer, j'aime bien les policiers, puis ils font bien le travail, oui. Tout ça, mais on se demande qu'est-ce qu'on veut protéger lorsqu'on enlève, parce qu'on a retiré des caméras, par exemple, dans les salles de livrés à maître. Il y a eu des expériences pilotes qui ont été faites, et les tribunaux disent depuis des années au corps de police, ça serait bien mieux si vous les filmiez. On peut pas les obliger. Ils n'ont pas passé de loi à cet effet-là. Puis la police est pas mal plus pesante auprès du gouvernement, de celui qui fait les lois, que nous autres. Hein. Alors, au contraire, il y a eu... un de mes associés me contait que des policiers qui font des interrogatoires, on les interroge, puis on leur dit, pourquoi t'as pas filmé votre interrogatoire? J'ai pas eu la formation pour les interrogatoires vidéo. Fait qu'il y a une formation pour les interrogatoires, puis il y a une formation pour les interrogatoires vidéo. Moi, à ma connaissance, la seule formation supplémentaire, ça serait d'apprendre à peser sur play, ou de s'asseoir devant la caméra. Oui. Mais il semblerait qu'il y a tout ça prend des heures et des heures avant de pouvoir puisse avoir ça laisse entendre tellement de choses sur ce qui se passe quand il n'y a pas de caméra vidéo. Si tu veux pas qu'on t'accuse de corruption, la meilleure façon, c'est de prouver que t'es pas corrompu en te faisant filmer. J'ai déjà fait un peu de poursuite dans certains dossiers. J'agissais pour des corps de police dans certains dossiers bien précis. Puis j'avais eu une formation, moi aussi, comme un peu de procureur de la couronne. Et puis j'avais bien aimé ce qu'un procureur avait dit. Il dit la principale qualité de la police ou de l'État, ou tout ça, c'est la transparence. Quand on commence à se cacher derrière toutes sortes de secrets, puis ça laisse supposer toutes sortes de choses. Et puis, autant, tu sais, je vous parle toujours de Ben Laden, puis tu sais, lorsqu'on exécute quelqu'un, ben il y a plein de théories de complot qui existent sur Internet qui disent que Ben Laden, c'est un agent américain ou qu'il n'a jamais existé ou que ci ou que ça. Ben quand on le prend, c'est on l'exécute puis on le jette dans la mer, ouais. Ben on nourrit ces théories-là. Ben c'est vrai aussi. Tout à fait. Quand quand la personne sort du poste de police puis elle dit, ben j'ai avec un œil au beurre noir, puis que le policier dit, ben il s'est cogné dans le cadre de porte, puis j'ai été battu, puis ben si on avait une vidéo, on le saurait, puis bon, ça. Problème réglé, on passe au prochain. T'sais. Ben, c'est ouais. Ça. Puis moi, ça me ferait bien plaisir de dire à mon client, ben, regarde les vidéos, regarde où t'es chaud ou t'es. Non, c'est ça. L'inverse est aussi vrai. Ben, ouais. Écoute, s'il fait des aveux. Puis que ça a l'air bien. Ça a l'air bien vrai, écoute. Ben, ouais. Ça a l'air ouais. Spontané, ça a l'air bon. Non, les conditions gagnantes sont réunies. Mais on est en 2013. Ouais, maintenant, on est maintenant oui, en 2013. Ça. Et puis, malgré qu'on a des caméras dans nos poches, y a tout ça, il y a une régression de ce côté-là. Et. On est toujours dans un cas où, encore récemment, on a eu des personnes qui ont avoué des crimes. Puis on parle de crimes graves, on parle de meurtres ou d'agressions sexuelles, comme on a eu ici à Québec. Il y a même eu, à une certaine époque, ça c'est avant que je pratique, mais il y avait des questions statistiques. Les policiers voulaient avoir un taux de résolution de crimes dans certaines places et améliorer le statistique de fin d'année. Puis ouais. Souvent, ils arrêtaient quelqu'un et ils disaient, regarde, on t'en donnera pas plus, mais avoue-en, mettons une dizaine d'introductions. Ah ouais, ah ouais. Ces choses-là, tu sais. Fait que, je trouve ça. On n'a pas réglé ce problème-là à l'interne, mais on est en train, au point de vue international, on a réouvert la porte. Là, plutôt qu'aller au bout de ce problème-là, bien, on est en train d'en créer un beaucoup pire aujourd'hui en payant de nos taxes l'encouragement, même à la torture dans d'autres pays. Fait que. Je pense que je vais avoir d'ouvrage pour encore 2013, je vais me rester un peu. Ah, je suis pas inquiet pour toi. Tant mieux. Merci beaucoup, Michel. Ouais, merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Parle de KFC, tantôt on en parlait pour le braquage. Eh bien, c'est en Grande-Bretagne, quelqu'un qui a trouvé un rein dans son menu KFC. Eh bien oui, donc il y a de quoi couper l'appétit de Ibrahim Langou, un étudiant britannique de 19 ans qui a eu la désagréable surprise de trouver quelque chose qui n'avait rien à voir avec de la chair de poulet dans son menu acheté dans un restaurant PFK ou KFC de Colchester dans l'Essex. L'étudiant a découvert à l'intérieur d'une des ailes de poulet, ce qu'il a d'abord pris pour un morceau de cerveau. Il dit, j'ai l'habitude de dépiauter le poulet de l'os avec les doigts et lorsque je l'ai fait avec ma seconde aile de poulet, j'ai vu cet horrible corps étranger tout plissé. Donc, je l'ai immédiatement balancé sur mon plateau, on dirait un petit cerveau. Sentant venir la nausée, l'étudiant a pris le corps étranger en photo avec son portable et s'est plaint auprès de la direction du restaurant qui lui a généreusement offert des bons cadeaux. Mais Ibrahim Langou ne compte pas les utiliser de sitôt. Je ne mangerai plus jamais au KFC de Colchester ou ailleurs. Je ne mangerai du poulet que chez moi, là où je sais comment la viande est préparée. Un porte-parole de la chaîne de fast-food a présenté ses excuses pour la mésaventure détestable du jeune homme et a garanti que KFC essaye toujours de s'assurer que le meilleur niveau de qualité soit servi. Et soit proposé à ses clients dans ses restaurants. Il a ajouté que selon les analyses d'un expert sur la photographie prise par Ibrahim Langou, il ne s'agit pas là d'un morceau de cerveau, mais plutôt d'un rein qui n'aurait pas été retiré lors de la préparation de la viande, un rein de poulet. En tout cas, assez dégueu. Mais c'est comme ça. Bon appétit, je pourrais vous dire. Et sinon, on va se rendre vers l'Islande. Hein? Et puis, on a une pièce qui va être pour ça. Vers l'Islande, c'est une jeune femme... Donc, qui se bat pour porter son prénom qui est refusé par l'administration du pays. Eh bien oui, si vous cherchez la jeune Blaher dans l'annuaire téléphonique islandais, qui a la particularité d'être ordonnée par les prénoms. Hein, l'annuaire en Islande, il commence avec les prénoms. Ça doit être un peu plus difficile, moi, je trouve, en tout cas. Vous ne la trouverez pas sous le nom B pour Blaher par Jakordotir, mais bel et bien sous la lettre S pour Sulka Barjakordotir. Outre ce souci qui pose réellement problème, c'est qu'absolument tous ces papiers officiels de la jeune fille de 15 ans ne sont pas au nom de Blaer, mais la présentent comme Sulka. L'État islandais a donc transformé le nom de Brise légère, parce que Blaer, c'est ce que ça signifie, que sa mère lui avait donné, par un générique et froid fille, car Stulka, ça signifie juste fille, tout simplement. Donc, résultat, Blaer a fait des années durant l'objet de moqueries en classe et a dû expliquer sur son prénom à l'école et à la banque ou encore pire au même sein des bureaux de cet État qui lui a donné ce prénom au moment de renouveler son passeport. Donc, elle s'appelle Fille. Donc, un peu space. Si ce système peut sembler efficace afin d'éviter que des parents ne donnent des noms trop fantaisistes à leurs enfants, le comité n'a que très peu de marge de manœuvre. En effet, la loi islandaise est en la matière particulièrement directive. À vous, Augusta Tobergjosdottir. Excusez mon islandais, il est pourri. Qui, justement, est à la tête de ce comité. Dans les faits, si la loi s'est légèrement adoucie pour admettre des noms anglophones comme Elvis, elle s'est paradoxalement endurcie sur des noms tels que Cara, Carolina, Cécile ou encore Krista et la lettre C ne faisant pas partie de l'alphabet islandais. OK. Dans le cas de Blaer, eh bien, sa mère qui lui a donné son prénom précise qu'elle n'avait aucune idée que le prénom qu'elle avait choisi n'était pas sur cette fameuse liste. C'est au moment de baptiser sa fille que le prêtre de la paroisse l'informe et de ce fâcheux détail. Alors que la mère de Blaer demande au comité d'examiner le nom de sa fille, qui se voit rapidement refuser sous prétexte que le mot Blaer demande un article masculin et non féminin. Une décision incontestable, sachant que la mère de Blaer a elle-même connaissance d'une femme portant un prénom, le même prénom en 73 et que, comble l'histoire, le prix Nobel de littérature islandais Halldór Laxness a utilisé ce prénom pour un personnage féminin dans l'une de ses œuvres. Blaer et sa mère se voient donc dans l'obligation de poursuivre leur action en justice pour afin obtenir gain de cause. Sa mère affirme qu'elle est prête à aller jusqu'à la Cour suprême d'Islande s'il le faut. Cela me semble être un droit humain de base de pouvoir choisir le nom de sa fille, particulièrement s'il ne lui nuit pas, souligne-t-elle. Ma fille aime son prénom. Et puis Brise légère, c'est quand même très beau. Peut-être qu'il y a, en tout cas, il y en a qui préfèrent des jeux de mots avec ça aussi, mais on peut faire des jeux de mots avec tous les prénoms et avec tous les noms de famille. À noter que si Brise légère était née en France, il n'est pas sûr qu'elle aurait pu s'appeler ainsi. Depuis 1993, eh bien, la loi française sur les prénoms prévoit l'acceptation potentielle de n'importe quel... prévoit l'acceptation potentielle de n'importe quel prénom. C'est alors qu'à l'officier d'état civil de juger d'un possible préjudice sur l'enfant et son entourage et décider de la validité du nom ou non. Cette situation qui peut sembler plus ouverte et profitable à un choix serein, cependant, elle a aussi ses défauts. Le problème est que les différences de traitement de prénoms soumis entre les maris peuvent amener à des situations très difficiles à vivre pour un enfant, comme cela a été pour Blaer. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. Stéphanie. Oui. Annabelle. Allô. François. Salut. Mais François en premier, après ça Stéphanie et Annabelle. Hein? Mais Mathieu Plante. Ouais, aussi. Accompagné de... Qui? Hein? Mathieu Plante. Je connais pas. Tu me dis vaguement quelque chose. Regarde, il est là. Hey, puis c'est lui qui va faire la chronique, c'est un fait. Pas c'est un fait pendant tout qu'on fait là. C'est. On recommence. Meilleure introduction que ça, OK? Oui, c'est lui qui va faire sexe, mais ça devrait répondre là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. C'est la chronique où on dépense nos dernières cents. Tout ce qu'on a réussi à attraper comme carte cadeau au vol pendant les fêtes. Ouais. Dans les parties de famille, c'était bien populaire cette année. Qui a eu des cartes cadeaux? Levez la main. Moi. Moi, j'en ai eu une. Annabelle, comment? Tout le monde a levé la main sur toi. Mais non, mais j'en ai pas reçu. Je ne peux pas mentir. Mais c'est donc bien triste. Ben là. Quand même. Elle sortira de la vraie argent. Ouais. C'est bon. Ou du crédit. Ou du crédit. Ouais. C'est un fun, le crédit. Quand même. Ouais. Vrai, j'approuve. Ben, commençons par un gadget, en fait, que Stéphanie m'a recommandé. Oui, bien sûr. C'est vrai? C'est le Business Class Pack de Power Bar, de Power Bag. C'est un sac à dos qu'on branche dans le mur pour recharger. Qu'est-ce qu'il fait, coudon? Comment? Qu'est-ce qu'il fait, coudon? Ben, c'est ça. C'est un sac que tu utilises pour toutes tes affaires que tu as branchées, tu sais, dans le fond. Hein, Steph? C'est à peu près ça, si on veut. Oui. Donc, la compagnie est une compagnie sœur de l'entreprise MyCharge, compagnie qui conçoit depuis un certain temps des batteries d'urgence qu'on peut transporter avec soi pour une recharge sur le pouce. La technologie de MyCharge se joint alors avec un Power Bag pour nous apporter une solution tout en un. C'est un sac qui a sa propre batterie et qui se recharge lorsque branché dans le mur. Donc, vous pouvez lire la critique sur assemblagerequis.com. Moi, j'utiliserais ça volontiers. C'est cool, hein? J'imagine très très cher. Mais ouais, c'est ça, et ça vaut combien? On s'en va voir ça sur mypowerbag.com. Ardot.com. Plusieurs produits, ben, ils ont un paquet de, d'autres sortes de sacs Messenger Bag, des valises aussi. Donc, tu vas dans la collection Business Class Pack, il coûte 180$. Je les trouve très beaux aussi. Ils sont beau. Pas juste comme je fais ça, mais je suis lettre. Ça fait à la mode, comme sac à dos. Ouais. Tu sais, je suis hot. Ouais. Mais quand même. Ouais. Tu sais, c'est pas un sac à dos cheapo. Non. Ensuite, vous avez tous besoin de boire de l'alcool dans votre moyen de transport préféré. T'sais, on sait, les gens dans leur autobus ont tous leur café course, comme on appelle ça, café Baileys. Là. Ben, bien sûr, le matin pour bien commencer la journée. C'est ça, François, dans ton pot maçon, t'as évidemment mis du chocolat chaud. Ah, tout c'est mélangé avec de la vodka, clairement, ton matin. Il y a de la maroula dedans, je suis certaine, je l'ai senti. Mais il manquait le vélo. Tu sais, qu'est-ce que tu fais quand t'es en vélo? Tu peux pas avoir, ton alcool dans ta main. À un moment donné, tu pourras pas conduire. Donc, il faut remplacer tes poignets par les handle minibars où on peut cacher de l'alcool dans ses poignets de vélo. J'ai vraiment le goût de me mettre au vélo présentement. Juste pour ça. Tu détaches tes poignets, t'insères ça. Il y a pas vraiment beaucoup d'alcool dedans. Là, non, c'est hein? Un tiers d'once d'alcool. C'est pas assez, je pense. Hein? Un tiers d'once. C'est décevant. Ben, je sais pas si c'est par poignet. Ça précise pas. C'est peut-être au complet, mais bon. Donc, vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com et vous procurer ça. Donner de l'argent sur leur Kickstarter. Et s'ils se rendent à leur objectif, ils vont produire supposément le produit. Mais c'est pas toujours le cas sur Kickstarter, donc faites bien attention. Ensuite, tu veux te coiffer au bureau ou tu veux te coiffer, même François, tu veux te coiffer à la maison, toi? Je me coiffe tout le temps. En déjeunant, tu te coiffes près de ton ordinateur, j'en suis certain. Donc, il vous faut une brosse qui envoie de la petite vapeur, là, tu sais, du mist, là, ça, là. Tu sais, les filles vont déjà, des fois, s'envoyer du pch-pch. Non, moi, je fais pas ça, sinon je frise. Ah, Annabelle? Ben non. Là. Même chose. Ben non. Là, je vais te dire à qui? Moi, là, ce gadget. Ben, je sais pas, c'est vraiment comme poche, comme gadget. En fait, je trouve ça vaguement inutile. Il y a une clé USB dans le manche. Ben, c'est ça, c'est une prise USB. Donc, tu branches ça dans ton ordinateur et puis ça envoie de la vapeur à tes cheveux. Puis comme ça, c'est par la compagnie japonaise Fanko. Et puis, une charge USB va te donner 30 minutes de gentil mist. C'est tellement moins compliqué d'avoir un petit vaporisateur. À portée de main. Ouais, c'est dit. Et ça vaut quand même 80$. Hein. Ah! Hey, il y en a Dollarama, des petites bouteilles qui vont. Ah ouais, ouais, ça sera pas d'accord avec toi. Ça, tu sais, ça va être chaud, ça, j'imagine, ça, là, de la mist, ça va être plus chaud. Non, je sais pas, moi. Ah, je sais pas. Non, même pas. Ben, j'en ai aucune idée. Ouais. Ensuite, tiens, tu veux une extension, mais en même temps, tu trouves que c'est trop long, puis, tu sais, c'est trop long, genre, en termes de longueur de fil, tu sais. Oui, d'habitude, quand c'est trop long, c'est en termes de longueur. C'est ça, mais là, faut que tu l'attaches, ça. Tu le caches en arrière du bureau. Oui. Non, mais trop long à aller chercher son extension. Tu comprends pourquoi j'ai précisé oui. le don faire. Donc, FlexiCord, c'est une extension qui fait comme un fil de téléphone, un peu comme une queue de cochon. Une queue de cochon. Et puis ça, est-ce que t'as vu combien ça coûtait, François? Non, ça, j'ai pas trouvé encore. 47$, ça va de 10 à 20 pieds. Donc, c'est cher, par exemple. Ouais, c'est un peu cher, mais si c'est pour vous sauver de la place. Ouais. Ensuite, ta vie, tu veux l'enregistrer, tu veux la préserver. Tu voudrais préserver ta vie en bouteille. C'est le fun, tu sais, tout le temps, j'aimerais ça capturer ce moment-là dans une bouteille, t'sais. Comme Genie in a Bottle de chose Christina Aguilera. Ah! Tu sais, faire des envolées, non? Okay. Oui, oui. Donc, RE Sound Bottle, c'est l'idée derrière ça. C'est un concept de John Fujiwara de chez Tama Art University. Et donc, c'est supposé capturer ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc, pour commencer à enregistrer, tu dévisses le bouchon. Et là, à partir de là, les sons vont être enregistrés dans la bouteille. Il y a la mémoire dans la bouteille. Et donc, tu vas pouvoir ajouter des sons. Les tracks vont faire un genre de beat. Après ça, il y a une vidéo pour aller entendre de quoi ça a l'air. Là. Mais c'est très cool. Tu détaches le bouchon. Wink! Ouais, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais c'est ça, je ne penserais pas que tu puisses acheter ça. C'est un concept. Ensuite, changez vos fichiers MP3 en vinyle lo-fi. Tu sais, c'est à la mode. Plus la technologie avance, plus on peut faire de la musique qui sonne véritable et de qualité, plus les gens veulent revenir en arrière et enlever la qualité à leur musique. T'sais. Donc, c'est déjà que les gens prenaient leur musique de vinyle, transféraient ça en MP3. Ça faisait de la qualité MP3, donc pas si bonne que ça. Maintenant, tu peux faire le contraire et transformer ça en vinyle de très, très mauvaise qualité. Donc, c'est une technologie d'impression 3D. Et puis, ça prend votre vinyle, ça convertit ça en forme, donc imprimable par une imprimante 3D là, qu'on peut acheter dans le grand public déjà. Donc, ça va faire des disques 33 RPM. Et puis, la qualité est à 11 kHz, ce qui est le quart d'un MP3 typique. 5 à 6 bits de résolution, ce qui est un millier, c'est bien ça qu'on dit, de la résolution 16 bits habituelle. Et puis, on peut quand même reconnaître la musique, là. Encore une fois, J'espère pour eux autres. Mais je sais pas si le but est vraiment de faire quelque chose qui sonne bien, mais de faire quelque chose de cool à faire. C'est parce qu'on est nostalgique. C'est un peu ça. Hey, je l'ai pas mis dans mes liens, là, mais on parlait à la télé récemment d'un vinyle sur glace. Sur glace? Dans le fond? Ouais, ben, qui fond à la longue. Là. C'est vraiment un moule. Tu moules ton vinyle dans une plaque de glace. Tu dompes ça sur ta table tournante. Tu fais jouer avec l'aiguille et ça joue pour vrai la musique. C'est génial. C'est sûr que c'est tout à fait sain pour la table tournante. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Quand ça fond, ben, c'est fini. Tu t'achètes une autre table tournante. Puis touche pas à ta table tournante si ça fond. Ouais. Choc électrique. Que des dangers. J'aime ça. Ensuite, tu sais, on s'assoit tout le temps sur la table, une fois de temps en temps, tu sais, la table du salon, je me suis souvent assis dessus, c'est déjà arrivé, tu sais. Mais si seulement ça pouvait laisser une trace de fesses. Si seulement. Donc, c'est la table thermochromique qui laisse des empreintes derrière, mais seulement temporairement. Donc, ça s'appelle The Linger, A Little Longer Table par Jay Watson, au Royaume-Uni. C'est évidemment fait pour faire jaser. Et puis ça fonctionne très bien, je pense. Ça coûte environ 2 500 $, excluant les taxes, OK? Wow! Et donc, c'est une table couverte d'une peinture spéciale. Sauf que tu laisses quelque chose dessus qui a un petit peu de chaleur, ça va. La peinture comme devient transparente et tu vois le bois de la table. Donc, mettons, tu laisses ta tasse à café sur la table, ça va faire un rond, puis ça va être le bois en dessous. Et tu mets tes fesses ou tes mains, n'importe quoi. Oh, la mienne aussi, fait ça, mais... Tes fesses font ça. Non, la tasse de café. Quoi? Hein? Non, mais la tasse chaude sur une table, tu sais, ça fait déjà un petit rond. Mm-hmm. Puis là, c'est. Ouais. Imagine si tu voyais le bois en dessous de ta table. Écoute, ça faisait ça. Quel investissement. 2 500 $. Je sais pas, il me semble que moi, mon but dans la vie, c'est qu'il n'y ait pas de tâches sur ma table. Puis eux autres, ils vendent ça. T'es une spéciale, toi. OK. Non, mais c'est très cool. Il y a des CD qui se font comme ça. Hein. Je sais pas si t'en as déjà vu. Pour vrai, non, je savais pas. Ouais, c'est. Je me rappelle plus exactement l'artiste, mais j'ai déjà vu ça. En fait, tu l'insères et puis il sort comme d'une autre couleur. Et si tu mets tes doigts, ça. En fait, ça va laisser la trace, mais pendant une, deux minutes peut-être. Là. Une excellente idée. Oh, ah, ouais, c'est sympathique. Oh, ouais, c'est très cool, j'aime ça. Est-ce que c'est cher, par exemple. Il devrait avoir. Hier, on a parlé d'une disquette qui, quand tu les mettais dans l'ordinateur, c'était supposé laisser sortir l'odeur du oui, sang dans un jeu violent. C'était un jeu violent pour ordinateur PC. C'était une disquette, et puis il y avait de la petite poudre dessus. Quand tu mettais dans ton ordinateur, la poudre fondait, puis ça donnait une odeur de sang. C'était l'idée, tu sais, je trouvais ça cool. Fait qu'il reste rien qu'à faire, mettons, un CD, je sais pas, de ou un livre de recettes, tu sais, que tu pourrais licher la couverture. Ouais. Mais dessus, ce serait un goût de quelque chose. Je sais pas. Chaque page aurait un petit rond à lécher, non? Scratch and sniff? Oui, comme les scratch and sniff dans les revues. À la place, ce serait du scratch and lick. C'est parfait. Quand on veut ouvrir une bouteille de bière, tu sais, il y a plein de façons de faire. Est-ce qu'on en nomme? Il y a sur le coin d'un comptoir. Avec ton briquet? Briquet, très bonne idée. Tes dents. Ouais. Ça, j'ai pas compris. Faites jamais ça, je pense. Oh. Faites pas ça. Donc, le Bropener. Tu sais, Bropener, c'est génial. C'est un morceau d'aluminium avec un adhésif très, très collant qu'on colle sur n'importe quoi, ben, par exemple, sur le côté de ton frigidaire, mettons. Et puis, c'est fait exprès pour ouvrir la bouteille de bière. Et après ça, il y a un aimant après le Bropener qui va retenir ton bouchon pour pas que tu tombes à terre. Ah, oh, c'est cool. 14$ sur Kickstarter. Encore une fois, ça veut pas dire que ça va exister, mais c'est une bonne idée. Maintenant, si tu vas au restaurant, t'as tout le temps envie de te dépêcher, tu veux pas avoir à tasser l'emballage, là. Tu prends tout le temps un morceau de papier dans tes dents là, quand tu manges un burger, ça vous arrive pas, ça? C'est fatigant. Non, pas tellement. T'es tellement bonne, hein? Oui, mais moi, je mange pas ça. Des hamburgers? Ben, pas au restaurant. On mange surtout pas comme des truies, tu sais, Mathieu. Nous autres, on sait manger puis on tasse le papier avant. Ah, m'as-tu traité de truie? Ouais, Donc, si seulement on pouvait manger notre emballage d'hamburger. Non. Bon. Hein, oui, je m'assume, je suis une truie, j'aimerais bien manger. Excuse-moi. Mon emballage. Non, ça va, c'était, okay. tu commences très bien, tu sais. Savez-vous que les Américains vont envoyer 75 millions de tonnes d'emballage aux déchets par année? Hein? C'est beaucoup. Donc, à la place, au Brésil, ils ont décidé d'inventer, c'est ça, un emballage d'hamburger qu'on peut manger. C'est la chaîne de restaurants Bob qui a fait cette campagne-là. Et puis, on peut littéralement donc manger son hamburger et manger son emballage. Très bonne idée. Peut-être qu'un jour, on aura ça au Québec ou dans des chaînes de fast-food américaines. Mais c'est vrai que côté environnemental, c'est quand même chouette. Oui. Ouais, c'est excellent. Genre le Mac Rapper, tu sais. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il goûte. Est-ce que ça goûte quelque chose? Ça doit pas être bon. Puis est-ce que tu peux commander? Bon. Si tu l'aimes, est-ce que tu peux le commander à part? Mettons, tu prends les Mac Croquettes, puis tu peux emballer extra emballage. C'est ça. Ajoute-moi mon Mac Rapper, voyons. Tu sais, les chiens sont de plus en plus gros. Eux aussi mangent des restants d'hamburgers des fois à la table. Les chiens américains, surtout. Donc, ils sont de plus en plus gros et ils ont de la difficulté à monter les escaliers. Il n'y a pas juste les grands-parents qui ont de la misère à grimper les escaliers puis qu'il faut un stairlift. Tu sais, on les voit à la télé, les grands-parents s'asseoir sur leur petite chaise, puis là, boulou, ça monte super pas vite. Mais les chiens peuvent maintenant le faire eux aussi grâce au Year of the Dog 2022 qui a été créé cette année. Gros bouton dessus qu'on peut évidemment peser avec sa patte. Ça supporte les très gros chiens. Ça dit pas le poids, par contre, mais on imagine de gros chiens. C'est présentement un prototype et ça se vendrait environ 8 000 $ si ça arrivait sur le marché. C'est la compagnie d'assurance du Royaume-Uni, More Than. Et puis, vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequipe.com. Tu sais, je veux pas me plaindre encore, là. Mais si ton chien, il est gros, ça serait pas à son avantage, justement, de monter les escaliers avec ses vraies pattes. Puis Colin, si tu l'aimes, ton animal de compagnie, prends-le dans tes bras, monte-le. Ben oui. Puis il passera le reste du temps en bas quand t'es pas là. Tu mets sa bouffe pis son eau sur l'étage où tu le laisses, puis ça arrange. Puis si tu veux pas qu'il se blesse, ben mets une barrière dans tes bras. Tiens, on parlait de choses d'emballage d'hamburgers mangeables, mais tu sais, à Noël, quand t'emballes un cadeau, ça aussi, ça fait des déchets. Hein? C'est vrai ça. Oui. Donc, il te faut Eco Chichi. C'est de l'emballage cadeau réutilisable. Donc, c'est très, très beau. Eco Chichi, Reusable Fabric Gift Wrap. C'est donc, on a compris, du tissu. Une solution pour se débarrasser des déchets. C'est la designer graphique Amy Lewis qui a eu cette idée-là. Et c'est disponible en 3 grandeurs. C'est bien avec une variété de design. Chaque emballage est imprimé à la main. Quand tu veux dire, quand ils disent imprimé à la main, j'espère que c'est pas eux autres qui ont pris l'encre puis ont tout fait ça à la main. Je sais pas. Moi, je sais pas ce qu'ils veulent dire exactement par. Aucune idée. Ça vient avec 2 clips qui sont faits pour ressembler à des rubans, tu sais, comme un petit chou qu'on mettrait sur le cadeau. Et puis, c'est ça. Chaque clip vient avec des instructions pour les utiliser. Et puis, ça coûte 165 $. C'est le Christmas Family Pack. Ça, c'est l'emballage de plusieurs cadeaux. Sinon, un seul pour 23 $. C'est cher. Tu demandes à la personne de te leur donner après. Prenez pas du 8 sacs, tout le monde, là. Oh, du tissu. Ouais, un vieux rideau. Ouais, des têtes d'oreiller, tu sais. Ouais. Des serviettes de plage. Ben ouais, pourquoi pas en ratine, tu sais. Un bon petit cadeau moelleux. Petite de barbouillette, là. Ben, ça vient du cœur, tu sais. Quand t'es à un party, tu sais, les gens commencent à utiliser leur petit tu sais, le genre de petit sifflet là, qui fait genre de drôle de genre. Un son agressant. Un son agressant. Là, ben là, tout le monde commence à utiliser ça dès le début de la soirée. C'est pas le fun. Tout le monde est trop sur le beat, là, tout le monde le fait en même temps. Ça fait comme de la musique. Non, tu veux que le monde l'utilise juste quand ils sont sous, tu sais. Donc, c'est vraiment un vu comme ça, mais qui est seulement utilisable lorsque il y a un niveau d'alcool assez élevé dans ton, ton haleine. Quelle bonne idée. Donc, ça utilise un microcontrôleur TNT 2.0 à 16 $ et un gas sensor, un alcohol gas sensor MQ3 à 5 $. Donc, tout ça mis à l'intérieur de ce genre de sifflet-là. Et puis, un paquet d'autres affaires, d'autres petits détails. Et ça s'appelle le Buzzed Buzzer, qui est fait pour faire seulement du son lorsqu'il y a de l'alcool dans la laine. Voilà. Les alcotests n'auront jamais été aussi plaisants. Tu sais, mettez donc ça à côté du studio à la place d'une machine que personne ne se sert. Mais oui, ça serait cool. Tant que ça fait du bruit, t'as pas le droit de prendre ton auto. Oui. Tu sais, ça règle des problèmes que je savais même pas qu'il y avait, tu sais. Ben, trop vrai. Ensuite, François, tu portes plus de chemises que les filles. Quoi que les filles ont des fois des petits doigts. Toi, t'en as des boutons après ton affaire, t'as pas de boutons? Yep. Pas de boutons. Oui, boutons. Bon. Oui. Des fois, ça arrive que tu perds un bouton. Mais là, tu vas pas jeter ta chemise ou ton chemisier ou ton vêtement, franchement. Tout pas. Ben non. Donc, il te faut les Tick Button Fasteners. C'est un petit truc de plastique. T'insères un côté dans le côté où il y a un trou et l'autre affaire du côté où il y aurait un bouton. Et puis, ça va se snapper ensemble. Ça remplace ton bouton. Ah! Oh. Oui, oui. Ça coûte 8 $ pour un paquet de 4. C'est temporaire. C'est pas nécessairement tout à fait beau, mais je pense que ça paraît pas vraiment de l'extérieur de la façon qu'ils ont l'air de l'expliquer, même si c'est pas bien, bien clair pour moi. Mais quand même, ça remplace tes boutons. Tick Button Fasteners. C'est comme ça, hein? Tu mets ça dans ton sac à dos, là? Ah, tout à fait. Ah, ouais, là? Oui, ça peut dépanner si tu perds ton bouton le matin. Puis, sinon, fois, si t'as le temps, je te conseille de recoudre un autre bouton. Ouais, mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui a la main. T'sais, moi, en tout cas, je me verrais pas vraiment faire ça à la main. Coudre un bouton? Non, pas tellement de talent. Mais premièrement, ça te le prend le bouton. Ah ah! Puis un bouton qui est pareil aussi, parce que sinon, ça a l'air comme tout dépareillé. Ouais, mais il est pas pareil, lui non plus, là. Non, il est temporaire, ça. Mais c'est ça, c'est juste pour te dépanner dans la journée si jamais tu veux. Je vais me forcer à coudre, mais pour temporaire, là, tu sais, genre. Quoi? Mais ce sera pas temporaire, le bouton que tu vas coudre, là. Ouais, mais c'est en tout cas. Lui, il peut rester là longtemps, en là. En tout cas. Dans notre cave, dans le sous-sol, tu sais, il y a tout le temps des tuyaux qui sont à l'affiche, tu sais, genre parfaitement vus par tout le monde. Puis c'est pas très, très beau, des tuyaux noirs dans la cave, tu sais. Donc, les Atomic Lighting Tubes, pardon, c'est des tubes de lumière LED qui s'enveloppent autour de vos tuyaux. Ben non. Ce qui va créer de la lumière dans ton sous-sol en même temps. Donc, t'as pas besoin de passer... Ouais, c'est hot en titi. Pour vrai, c'est une très bonne idée. Ouais, hein. J'aime ça. Allez voir les photos. Moi, je... Comment ça vaut? Y a-tu un prix, non? Non, attends un peu. Non, j'avais pas de prix là-dessus. Là, est-ce qu'il y en a sur cette page-là? Non plus. Je me demande si c'est déjà sur le marché ou si ce l'est pas. C'est peut-être juste en prévision d'un jour sortir. Il y a des affaires comme ça que tu peux pas acheter là. C'est plate, hein? Ouais. Tu serais allé, hein? Ben, ouais. Peut-être. Peut-être. C'est bon. Bah, un jour, je sais, c'est trop courant, ça sent. Gate Feeder, ensuite, tu sais, les animaux de compagnie ont souvent une petite puce qui est insérée par le vétérinaire. Depuis quelques années, là, tu peux insérer un petit genre de grain de riz dans la patte de ton chat pour que ses résultats de test ou d'examen félin soient dans la petite puce, puis ton docteur peut scanner ça. T'sais. On peut en avoir, nous aussi, les humains, genre dans le doigt, là, vous n'avez pas entendu parler de ça? Les RFID, ah ouais. Les tags, en tout cas, c'est pas bref. Un genre de petit grain de riz avec ton dossier médical dedans. Bon. C'est un peu ridicule. Ouais, mais c'est quand même, je trouve que ça peut être utile à la place d'avoir à ressortir le petit carnet de santé, etc. Bon, donc si ton chat ou ton animal de compagnie a déjà un tag RFID, le Gate Feeder, c'est une boîte de plastique où tu mets sa nourriture et seulement le chat qui porte le bon tag peut entrer. T'sais, si t'as plusieurs chats et que le chat mange la bouffe de l'autre chat, là, des fois ça arrive, les chats se battent pour la bouffe de l'autre puis laissent l'autre sans nourriture. Donc, 250$ pour cette boîte à nourriture-là, le Gate Feeder. Je trouve ça bien, mais encore, on n'est pas rendu là, le RFID, vraiment. Mais je regarde la boîte, puis je me dis que mon chat aurait vraiment peur de rentrer là-dedans. Je sais pas s'il rentre dedans ou s'il rentre juste mais, sa tête. Non, mais même la tête. Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est étroit, c'est un peu... Toi, faut que t'aies de la place pour rentrer. Ou... OK. Quoi? Comment? Quoi? Hein? OK. Tiens, pour les célibataires endurcis ou pour ceux qui aiment manger de la fondue tout seul, hein? Forever Alone Fondue Set, c'est une tasse avec un trou en dessous pour mettre une chandelle. Et puis, tu mets ton genre de fromage ou encore ton fromage. Parce que ce genre de fromage, c'est un peu dégueulasse. Du cheese. Donc, tu mets ton fromage dans la tasse et puis vraiment, tu peux, avec des petites baguettes, là, vraiment trop minuscules, tremper ton pain ou ton morceau de n'importe quoi dans la fondue au fromage qui va devenir chaude éventuellement avec ces chandelles-là. C'est éventuellement. Puis, je sais pas, me semble faut que pas promener la tasse comme ça avec la chandelle allumée, c'est pas comme un petit peu dangereux. Ouais, moi, c'est ce que je fais quand j'ai une panne de courant. Je transporte mon set de fondue de pièce en pièce puis un morceau de pain à la fois. Donc, allez-y, achetez-vous ça si vous êtes célibataire. Et justement, ça prend tellement de temps avec la chandelle que, vu que vous avez votre vie devant vous en tant que célibataire, pas grave d'attendre. Non, 15$ pour deux tasses. Ça vient avec deux tasses. Ah, mais c'est pour les célibataires. Ah, on peut se regrouper comme deux célibataires ensemble. Ou t'as deux portions. Manger de la fondue. Moi, j'aurais deux portions. Mais ça règle le problème. Tu sais, mettons que t'aimes pas le Monterey Jack. Tu sais, il y a ça aussi. C'est vrai, sur les variétés de fromage. Tu fais ta fondue comme t'aimes. Tu peux mettre du kirsch dedans si ça te tente, tu sais. T'es fancy pas mal, je trouve. Ah, ouais. Moi, j'aurais mis du cheese whiz puis du Philadelphia. Miam! Ensuite, celui-là, très rapidement, c'est un cube Rubik, mais en forme de cerveau. Et vraiment, chacune des comment t'appelles ça, des... tu sais, les fissures. Fissures et les... l'autre, je m'en souviens l'autre pas. Affaire, là, dans le cerveau. Les bosses. Il faut que tu agences ça. Donc, le cube Rubik, à la place d'être les couleurs, c'est les affaires qu'il y a dans le cerveau. C'est cool. Fing. Pas pire, pas tout. Mais ça doit être vraiment difficile. C'est sûr. Si t'es un hipster et que t'aimes prendre des photos avec une caméra de grande qualité, tu sais, souvent les gens qui aiment la photographie vont s'acheter des caméras à 1 000, 2 000$. Ben, tu peux maintenant t'acheter une lentille pour mettre des filtres à la Instagram sur tes photos. Ah ben. Tu sais, Facebook, Instagram, Twitter, Shredder. Les gens vont pouvoir poster des photos de leur déjeuner librement et tout en couleur. Ça va être du 15 mégapixels, mais mis en sépia. Ouais. Ça va être tellement beau. Donc, allez-y, il y a des photos, ça aussi, sur assemblagerequis.com. C'est merveilleux. Et on termine avec ça. Tiens, les chiens, des fois, mangent trop vite. Tu sais, ça va créer un chien gros, comme plutôt dans la chronique où il devait utiliser le Stairlift Year of the Dog. Là. Donc, si tu veux l'empêcher de manger trop, c'est un petit rond, un cercle de gazon, mais c'est pas du vrai gazon, c'est des bosses. Et la nourriture va entre les bosses. Et le chien va avoir de la misère à aller chercher la nourriture entre les bosses, donc va manger plus lentement et va réaliser plus vite. C'est comme nous, là, les chiens, ça doit prendre du temps à qu'ils réalisent qu'ils sont remplis, qu'ils sont pleins. Donc, plus ça prend de temps, plus leur cerveau le réalise, puis ils vont arrêter de manger. Oui, c'est après cool. Bonne deux. Oui, les animaux, en fait, ils ont tendance à vraiment se gaver. Ils sont contents d'avoir de la bouffe. Là. Mais il y a un truc aussi comme ça pour les chats, c'est des tubes et les chats doivent rentrer leurs pattes à l'intérieur. Tu as différents niveaux de difficulté pour... aussi peuvent travailler leur dextérité. Non, c'est vraiment cool. Là. Leur dextérité patuelle. Non, c'est comment t'appelles ça? Manuel? Oui, patuelle, ça doit être ça. Patuelle, sûrement. Manuel, bon, ouais. Ça se peut pas. Je me fais confiance. Ils ont pas leur de dextérité fine. Fine! Oui. Oh, wow! Métier. Mais c'est ça. Comme on dit. Hein? C'est ça. Yeah, quand même. Donc, voilà, c'est la collègue qui s'exprime, ça devrait répondre. Là, good job, hein, tout le monde, bravo. Oui, vous avez bu mes paroles. Mon 1, tiers d'once dans une poignée de pessic d'informations. C'était 5 millilitres, hein? 5 millilitres. Ouais, c'était précisé. C'est quoi, c'est une cuillère à thé, hey, ça, là? Écoute, ça vaut pas la peine. Ben, ça vaut la peine comparé à ne pas en avoir du tout. Bah, tu mets du fort là-dedans, là? Ouais, non, mais c'est ça, mais... Votre mais quand même, 5 millilitres de fort... Je pense pas grand chose. C'est pas fort. C'est pas fort. Ça prend plus que ça. Hein? Ben, tu peux, ouais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Bonjour! Danny Janvier, mes hommages. Mes hommages à vous. Hein? J'ai eu peur d'avoir un problème technique là, en première année, hein, comme ça. Ben oui, j'ai vu ça, ça a failli mal partir. Ben, on va s'arranger, je suis sûr. Salut, Citron! Ça va bien, toi? Oui, bonne année à toi. Merci, toi aussi. T'as passé un beau temps des fêtes? Ouais, trop court. Oui, hein? Mais en même temps, trop long, parce que sinon, j'aurais pris une couple de livres de plus. Là. Ouais, ben c'est ça, prendre des livres à la bibliothèque, ça va bien, là, mais... Ça va bien les reporter. Ouais, c'est ça, effectivement. D'ailleurs, ben là, ça va être la folie furieuse, hein, probablement, dans toutes les gyms de la planète, là, pour les deux prochaines semaines. Ouais, deux semaines. C'est ça, après ça, ça va retomber bien tranquille, là. Le monde, ça s'encourage, puis là, ils ont leur résolution, là, mais... Des fois, ça fait deux semaines qu'ils courent sur un tapis, là, à regarder le mur. Ah, tout à fait. Puis, moi, de toute façon, des résolutions, j'ai arrêté de prendre ça fait bien longtemps. De toute façon, je tenais pas ça. OK. Et puis, c'est ça, c'est une perte de temps. J'aime bien mieux penser à d'autres choses. Ouais, puis si t'as allé prendre des résolutions, t'es prêt à n'importe quelle année. Dans ouais, ben c'est ça. C'est pas le 1er janvier qui fait qu'on est supposé avoir de la volonté. Non, c'est pas ça, il paraît. Et sinon? Ben sinon, écoute, hein, il s'est passé des affaires. Là. On peut dire au moins enfin que Noël est en arrière de nous autres. Hein? Oui, oui. Là, la musique de Noël, c'est terminé. Les annonces de Noël, c'est presque terminé aussi. Ouais, il y en a qui ont oublié de les enlever. Hein? Ouais, il y en a qui s'accrochent un petit brin. Puis même les pancartes sur le bord de la route aussi. Ouais, oui, c'est ça. Drôle, ça. Mais là, ça va être, faut se dépêcher pour la Saint-Valentin. Hein, ben oui, parce que ça s'en vient à grands pas, faire semblant qu'on sait. Une journée par année, c'est bien important. Ben oui, puis sinon, il n'y aura pas de décor chez Walmart. Ah ben, c'est ça, effectivement. Écoute, faut bien les vendre, les fucking décors rouges. Exactement. Et puis, à part de ça, écoute, tu devais être bien content, toi, d'apprendre le retour du hockey. Quoi? Non, ça me dérange pas, tout simplement. C'est ça que je me suis dit. Écoute, moi, tu vois, j'ai appris ça samedi d'ennui. Quand je suis rentré à la maison, j'ai allumé la télé comme ça par hasard, peut-être à 2h du matin, puis je suis tombé sur un bulletin de nouvelles de sport. Puis là, j'ai fait comme, oh shit, là, on s'en va vers une folie furieuse. Hein? Ouais, là, ça va être fou, là. Écoute, je suis allé faire des commissions dimanche matin, tout bonnement, comme ça, là. Bon, à radio, dans le char, on parlait que de ça. Les gens des magasins parlaient seulement de ça, hein? Ben, c'est parce qu'avant, ils se parlaient plus. Ouais, ben, c'est ça. Ben là, écoute... Non, non, ils parlaient de la neige, c'est vrai. Ben, de la neige, oui, puis c'est parce que... Aussi, le bye-bye a pas fait de scandale, hein? Ben, pas assez. Non, je sais pas si toi, t'as regardé, là. Je l'ai regardé hier, man. OK, OK. Ça fait que c'est assez frais, là. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, là? Ben, pour pas dire comme tout le monde, d'habitude, tu sais, le monde dit tout le temps c'est de la merde. Moi, j'ai pas trouvé que c'était si de la merde, sauf qu'il y a beaucoup de références que je connais pas. OK. Tu sais, parce qu'il y a plein de trucs qui sont tellement mainstream que j'écoute pas, que j'ai. Je peux pas rire ou pas rire, je comprends même pas la joke. Mm-hmm. Fait que c'est. Désolé, là, c'est mon manque de culture, là. Mais, mais c'est vraiment ça, comme certaines tunes parodiées que j'ai jamais entendues de ma vie. OK. Fait que ça m'a pas touché vraiment. J'ai pas trop. Tu sais, j'ai pas trouvé que c'était un moment que j'ai perdu dans ma vie, mais. Il y a des années, mettons, j'ai déjà réécouté le Bye Bye 3-4 fois, puis je trouvais ça bon, là. Ouais, ouais, c'est pas le cas de ça, là. Je trouve qu'ils ont du gros budget. Ils ont été chercher les meilleurs en After Effects, là, puis ils sont pas pires. Là. Ils ont du budget, en tout cas, Radio-Can. Ben ça, oui, justement. Puis tu vois, moi, c'est de ça un peu que je voulais te parler là-dessus, parce que là, tu vois, là, surtout à Radio-Can, des revues de l'année, bon, t'as Chapelot qui fait la sienne. Oui. Puis tu vois, comme, bon, quand même, pour l'émission de Chapelot, il y a un certain budget hein, qui est alloué à ça. Mais mon Dieu, que c'est de la merde. Ça, j'ai pas vu le truc de lui, là. C'est ah, écoute, Gérard, ça? Ouais, tout à fait. Si tu veux perdre ton temps, là, vas-y. Ben, déjà, cette émission-là, moi, je trouve que je perds souvent mon temps. Ben, écoute, Chapelot, comme caricaturiste, il est génial, sur ce gars-là. Sur le papier, là. Oui, pour ce qui est du papier. Puis même, peut-être, certains de ses personnages... Oui, certains sketchs peuvent être corrects. Bon, mais c'est les textes de ça que c'est pas drôle. Mon Dieu, des fois, j'étais gêné. Ben, c'est ça, je m'en ai dit. Moi, souvent, j'écoute ça, puis je suis un peu mal à l'aise. Comme quand j'écoute du Lise Dion, mettons. Oh, oui, le parallèle est très bon. Ouais, je suis comme gêné, ou ben, tu sais, c'est comme si je jouais Marilyn Tibert aussi. Je suis un peu mal à l'aise. Tout à fait, tu pars bien la nuit. Mais, c'est-tu la fille à Susan Boyle? Ah, peut-être. Peut-être. Ouais, en tout cas, ouais, je te laisse aller. Non, ben écoute, si toi aussi t'étais sorti de Susan Boyle, par exemple, ça laisse des marques... C'est ce que je me dis, ça expliquerait tout là pour Marilyn Tibert. Ah oui, écoute, non, c'est pas drôle. Mais... Le croisement entre un husky et Susan Boyle. Mm-hmm. C'est pas très gentil pour les huskies, mais... Ouais, mais elle a les yeux du husky de son père. Tout à fait. Elle a les yeux de son père. C'est son père Rex qu'on salue, d'ailleurs. Ben, bien sûr, bien sûr. Ben, c'est ça, moi, pour Chapelot, je comprends pas qu'on mette l'accent sur un gars comme ça qui est quand même présenté tous les dimanches dans une soirée quand même de grande écoute à la télé. C'est une heure de grande écoute où il y a beaucoup de monde que, tu sais, parce que, tu sais, la semaine, tout le monde travaille, le dimanche soir, il y a beaucoup de monde devant la télé. Ben, c'est ça. Sûr. Moi, je comprends pas pourquoi qu'on persiste avec ce concept-là. Ça lève pas, c'est pas drôle. Puis, pourtant, d'habitude, Radio-Can, ils ont la facilité à tirer à la plug quand ça marche pas. Ben, il me semble que d'habitude, oui, mais là, je comprends pas l'acharnement. Mais Infoman, toujours bien efficace. Infoman, toujours bien efficace, c'est peut-être le meilleur des trois là-dessus. Moi, c'est celui où je me suis le plus amusé, là. Ben, c'est surtout que lui, en fait, c'est qu'il revient sur des événements qui sont passés, des images réelles, des choses comme ça. On est dans le concret, tu sais. Ben, on est un peu, c'est con, mais comme moi, je fais de l'insolite, c'est de la niaiserie, mais qui existe, tu sais. Oui, tout à fait. C'est pas du farfelu ou du trop facile, parce que sérieux, faire une parodie de toune, là... Il n'y a rien de plus facile que ça. Ah, ben écoute, on n'est pas tant dans la créativité, mais tu sais, en même temps, je pense que c'est à peu près tout ce que Louis Morissette est capable de nous produire aussi. Ben, je l'aime en premier ministre, là, quand il est Harper ou Charest. Ouais, Charest. Il n'est pas pire. C'est pas une histoire de comédien ou quoi que ce soit, même de maquillage. Mais moi, je te parle, admettons, comme juste des textes puis du concept. Ouais, là, ouais. On est dans de l'espèce de pâle imitation d'RBO. Carrément. Tu sais, moi, donne-moi une belle case horaire puis un budget presque illimité. Là. Tu vas voir que j'ai aucune misère à traiter tout le monde de plein de marde. Ben non, c'est pas dur. C'est facile de bitcher pour bitcher. C'est comme tu dis aussi, c'est facile de reprendre une chanson. C'est vide un peu. Il y a un Christy de beau contenant pour un manque de contenu épouvantable. Ah, ça, c'est total. Et puis de plus en plus, c'est ça. Il s'accote sur « on a des beaux costumes, on ressemble à qui on veut ressembler ». même si on dit pas grand-chose, le monde va dire « Ah, c'est drôle! » Oui, ben c'est ça. Quand tu regardes les bye-bye dans les années 70... Ouais, les maquillages, tout ça, tu t'en foutais, c'était juste drôle. Tout à fait. C'est une revue de l'année, puis on y va avec des points marquants, puis là, tu peux te permettre d'être incisif. Mais justement, je pense que... on s'éloigne un peu de qu'est-ce que ça devrait être, puis tu sais, tout le côté médiatisé du petit couple de Louis puis Véro, puis Véro, es-tu bonne, puis c'est ci, puis c'est ça, le veau d'or, ça vous dit-tu quelque chose, ça? Tout à fait, et c'est ça, j'ai trouvé ça, le sketch qui se sont fait à eux-mêmes pour dire on n'en fera pas de sketch. Eh, Seigneur, j'ai trouvé ça. C'était de l'auto-masturbation. C'est de la masturbation intellectuelle. Là. Oui, oui, oui, devant un miroir, là, tu sais. Ouais, il s'aime beaucoup, beaucoup. Puis, de toute façon, moi, là, parce que. Puis ça, j'ose espérer, parce que. Mais les codes d'écoute du bye-bye, quand même, la journée du 31 décembre, sont quand même bonnes, là. On peut-tu vraiment se dire, il y a d'autres choses à faire le 31 décembre? Ben, c'est débile, le monde arrête. Le party. Oui. Moi, j'ai déjà été dans des parties. Le party arrête complètement. C'est le bye-bye. Ah oui, puis dis pas un mot parce que tu te le fais dire, hein? Ben oui, c'est clair. M'a dire, ben franchement, que moi, j'étais bien plus heureux de disputer des parties de beer pong chez l'adulte que d'être assis sur mon steak en train de regarder une gang de niaiseux faire des niaiseries. Ben tout à fait. Puis gars, Tout.tv, il joue, là. Je l'ai écouté sur Tout.tv hier. Ouais, ben c'est ça. Pas de pub en plus. Pas de pub. Juste au début, puis après, j'ai écouté ça, puis je faisais pause, puis je pouvais repartir après. Non, c'était pas mal. C'était correct, puis je m'en ennuyais pas. Là, je voulais juste voir pour pouvoir aujourd'hui commenter puis dire mon avis. Sinon, j'aurais dit, ben, je ne sais pas. Tu sais. Ouais, ben, c'est ça. Mais en même temps, puis moi, c'est pour ça que je me dis aussi, puis c'est la magie d'Internet que tu peux justement visionner quand ça te tente, quand ça t'adonne, puis pour te faire une idée. Parce que c'est quand même important aussi, je veux dire, c'est un gros budget, puis c'est notre argent qui paye. Ouais, tout à fait. Puis tu sais que tout le monde va t'en parler. En plus. Fait qu'à ce moment-là, c'est clair que c'est bon de jeter un œil pour se faire une idée. Mais la journée même, là, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, défoncer la nouvelle année en gang remplie d'amour universel? Ouais, ben pour vrai, tu sais, un vrai party, là, tu sais. Mm-hmm. Vraiment, je suis bien d'accord avec toi. Moi, je jouais de la musique ce jour-là. Bon, tu vois, je faisais une gig. Je pense que t'as fait quelque chose de beaucoup plus constructif, tu sais. Puis il y a des parties, là, il y a des enfants là-dedans, là. Oui. Les enfants, il faut qu'ils ferment leur gueule. Écoute, on s'entend-tu que eux autres, Noël, le jour de l'an, surtout quand il y a des cadeaux, c'est le Woodstock, là. Ben, total, total. Moi, je me rends compte de ça. J'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux, des nièces, j'ai des amis qui en ont. J'ai même une de mes nièces qui est à l'écoute, d'ailleurs. On va la saluer. Et puis, eux autres, c'est leur fête, là. Ben, tout à fait. Cette année, ça m'a rappelé ça. J'étais avec beaucoup de kids, là. Mm-hmm. Tabarouette, il y avait des cadeaux. Puis, à cette heure, avec les familles reconstituées, là, il y a des cadeaux. Il y a 4-5 grands-pères, grands-mères, il y a des mononcles de toutes les bords, des amis qui sont comme des mononcles à cette heure. En plus. Non, les kids sont gâtés, là, à cette heure. Ben oui, puis tant mieux pour eux autres. Ben, qui oui, en total, profitent, total. La réalité va les rattraper assez de bonheur. Assez de toute vite, façon. Hein. Assez vite. Ben, c'est ça. Tout ça pour dire que finalement, le temps des fêtes, il y a moyen de passer ça ailleurs que devant sa télé. Ouais. Et puis, là, je vais faire... parce qu'il y a quand même passé quelques petites choses, le fun, pendant le temps des fêtes. Hein. Souvent, il n'y a pas tant de nouvelles, puis ça laisse la place à des choses un peu plus insolites, un peu plus légères. Plus léger. J'ai vu passer sur un fil de nouvelles sur Twitter à Rimouski. Ouais. Un dynamiteur cocaïnomane a été remis en liberté après avoir été arrêté pour possession de cocaïne. J'essayais de m'imaginer un peu qu'est-ce que c'est le profil d'un dynamiteur cocaïnomane. C'est dans... Tu le veux pas comme voisin. Il faut pas trop y penser, hein? Non, tu le veux pas comme voisin ni comme collègue de travail dans une mine. Non, c'est ça. Et puis, ça me faisait penser aussi, je t'entendais en introduction d'émission, tu parlais d'un gars qui est allé ben sous chercher, chercher sa notice. Ouais. Ben, je sais pas si t'as entendu, à Québec cette semaine, il y a un gars ben sous au volant, lui, il s'est endormi à une intersection. Ah, OK. Le feu a tourné au vert, le gars bougeait plus de là pantoute. C'est les policiers qui sont allés cogner dans la fenêtre, le gars se réveillait pas pantoute. Okay. Après un peu d'insistance, le type en question a réussi à se réveiller en sursaut. Il a lâché la pédale de frein qu'il avait enfoncé sur un auto-automatique, puis il a été emboutir le véhicule de patrouille qui était là pour l'intercepter. On est dans Belle Ronde, hein? C'est excellent. Oui, écoute... Mais regarde, ça, c'est des trucs que même, tu l'as d'un film, le monde va dire, ben là, c'est exagéré. Ben oui, tout à fait. C'est excellent. Tout à fait. Un autre moment aussi assez embarrassant, je ne sais pas si tu te souviens, la saison dernière, on avait parlé à Shawinigan d'une erreur d'incinération dans une maison funéraire. Oui. Bon, ben là, cette histoire-là, ça aussi, ça m'a fait sourire. Ça se passe dans le coin de Gatineau. OK. Puis, écoute, le monsieur qui a fait l'erreur en question travaille plus aujourd'hui, il est à sa retraite, mais ça s'est passé trois fois, peut-être entre 88 et puis 2004. OK. Et puis, c'est dans une clinique de fécondation artificielle. OK, aussi, ouais. J'ai hâte d'entendre ta nouvelle. Le docteur en question s'est trompé de fiole. OK. Donc, il y a des parents qui ont eu leur enfant par fécondation in vitro, mais que c'était pas le sperme du monsieur. Oh, OK. Ça, c'est quelque chose, hein? Oui, ben l'histoire ne dit pas s'il y a un petit bébé noir qui est né d'une fécondation artificielle. Ça, c'est plus difficile à expliquer hein, pour la madame. Oui, ce qui aurait été vraiment drôle, là. Ouais. Mais, tu sais, quand on parle d'une erreur de job, il y a des métiers où ce que tu peux pas t'en permettre, hein? Non, t'es mieux de pas être cocaïnomane dynamiteur. Non, mais pour vrai, des trucs de même, il me semble, l'erreur n'est pas permise. C'est plate à dire, mais... Ben, surtout, si on... Tu sais, parce qu'une histoire encore, t'es mort. Mais là, un enfant que t'élèves, qui était supposé quand même être le tien, c'est juste qu'il y avait un problème, là, tu sais, il a fallu qu'il dépose la semence, et c'est pas le tien quand même. Tu sais, ouais. C'est le tien, pareil, tu l'aimes, là, le kid, c'est pas ça, mais... T'as mieux pas le savoir, je pense. Puis surtout que l'histoire éclate comme bien des années après... Fait que là, les gens, c'est ça, c'est en fait, c'est pas de la remise en question, là, mais c'est ordinaire un peu. Mm-hmm, très ordinaire. Surtout si ton enfant devient dynamiteur cocaïnomane. C'est ça, puis toi, t'avais aucun lien avec ni la dynamite, ni la cocaïne. Effectivement, ça venait pas de ta semence, c'est l'autre qui aurait dû être pris avec. Ouais. Mais bon, il y a pas grand chose à faire là-dessus. Ouais, c'est un peu tard. Puis écoute, un bon show aussi, hein, Depardieu, cette semaine. Ah, j'ai pas entendu parler de Depardieu. Oh mon Dieu, ben là, lui... Parce que là, il s'était fait crémer avant une fête, là, on a entendu parler beaucoup. Ça continue, là, tout ça. Ouais, ben c'est ça, mais là, il était supposé quitter pour la Belgique. Ouais. Et puis, finalement, c'est M. Poutine de la Russie, Poutine, ouais. Lui-même, qui a offert la nationalité russe. Ah. Et puis, pas juste la nationalité, une maison, un poste de ministre de culture en province. Le kit, là. Toute la totale. Ce que notre ami Gérard s'est empressé d'accepter avec un beau 13% de taux d'imposition. OK. Et puis, il est allé poser en conférence de presse avec un costume traditionnel russe. Aïe, aïe. Tu peux voir ça très facilement. Tu mettras le lien sur la page du Dîner de con, si tu veux. Je mettrai le lien sur la page du Dîner de con. Écoute, c'est d'un ridicule, là. Puis notre ami Gérard a profité du temps des fêtes, hein? Ouais, c'est ça. Ben, guess what, je n'avais pas entendu parler. Écoute, pour jouer au Bélix à l'avenir, je pense qu'il n'y aura plus besoin de bourrure. Ben déjà, il n'y a plus ben besoin de bourrure, Gérard. Non, ben c'est ça. Fait que là, écoute, ça vaut 100$. C'est vraiment à voir. Je le mettrai sur la page Facebook. Pis, parce que tu dis belge, bon, il y a même Astérix Obélix, c'est des histoires. Tout c'est à fait. Mais là, russe. Ben, tu sais, en même temps aussi, c'est parce qu'il y a un gros show autour de ça, parce que c'est clair que les gens qui ont pas mal d'argent en France avec leur taux d'imposition, mm-hmm. c'est peut-être pas tentant de rester, mais au pire, ceux qui vont rester là, ça va être de l'évasion fiscale à pu finir, ça change pas grand-chose. Ouais, c'est juste que... Mais c'est juste que c'était un dieu sacré, là, quasiment. Ah, ben, c'est là. Ça. Depardieu, tu touchais pas, tu sais, c'était la France, là, tu sais. Puis là-dessus aussi, je sais pas si celle-là t'a entendu parlant, elle a peut-être été peut-être moins glamour un peu, puis même M. Poutine s'est pas garoché au devant d'elle, mais Brigitte Bardot aussi a menacé de faire la même chose, de s'enfuir en Russie, oui. OK. Elle, c'est plus pour une histoire d'un zoo qui veut euthanasier deux éléphants malades, puis être un peu contre ça, là. Mais peut-être qu'il y a 40 ans... plusieurs, il y aura à faire un passeport, mais aujourd'hui, c'est moins évident. Hein? Le 40 ans, tout le monde y offrait n'importe quoi ce qu'elle voulait. Oui, mais... avec raison. Avec raison, d'ailleurs, mais aujourd'hui, la gravité a fait son œuvre, oui, comme disait l'autre. Tout à fait, hein? C'est de la topographie dans son visage. Effectivement, oui. Peut-être qu'un aveugle pourrait lire, d'ailleurs. C'est sûr qu'il va y peut lire toute son histoire. Oui. Qui doit être quand même assez rock'n'roll, mais... quand même, parce que c'était toute une femme à l'époque. Oui, ben c'est ça. Là, maintenant, c'est tout un amas de... Hey, yoï. Oh, je suis méchant. Oui, t'es assez incisif ce midi. Puis là, on va terminer sur un petit sujet aussi. Je sais que t'en as parlé, je pense, cette semaine, de toute l'histoire là, de Justin Bieber qui fume du pot. Oui. Ben, je sais pas si t'as entendu, il y a un paparazzi qui est mort hein, dans toute... dans cette histoire-là? Dans toute cette histoire-là, oui. Ah, non, je savais pas. J'ai entendu sur les ondes d'une station concurrente cette semaine une dame qui travaille là-dedans qui expliquait un peu qu'est-ce qui s'était passé puis tout le kit puis apparemment que le sympathique Justin adore se sauver des paparazzis au volant de sa Ferrari le plus vite possible puis les caves courent après pour les photos. Ça c'est un peu c'est comme tu dis c'est des caves qui courent après. Ben tu sais hein, comment est-ce qu'on appelle ça les affaires qui volent autour de la merde là. Ah oui les mouches à merde. Ouais. C'est ça. Puis la dame disait la dame disait que Justin c'était un de ceux qui était les pires puis qui se comportait pas comme il faut puis c'est ci puis c'est ça. Écoute quand le gars te photographie en train de fumer du pot pour vendre ça, que la planète au complet voit ça, puis pour ternir ton image, quand on pense aux actrices, aux chanteuses qui se font photographier pas de bobette, cul à l'air, n'importe quoi, Chris, à un moment donné, que ces gens-là essayent de se sauver, puis de fuir ça, je me demande si c'est pas juste normal. Ben, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Tu sais, on peut dire, oui, c'est des personnalités connues, mais sont connues quand ils font un show, mais quand ils sortent de show, à un moment donné, ils ont le droit de vivre. Là, ouais, ben, aussi, c'est ça. On n'a pas cette culture-là au Québec. Hein? On est très respectueux des vedettes, qu'on peut dire. Ouais, ouais ben, puis ça. En tout cas, comparé aux États-Unis ou au Canada anglais. Là. Ouais, ben, c'est ça. Puis ça, c'est tout en entonnoir, j'ai l'impression. Il y a un épisode de South Park qui est très intéressant là-dessus avec Britney Spears. Je sais pas si tu as vu. Je pense que oui. Où est-ce qu'ils disent, finalement, tout le monde l'harcèle pour la pousser au suicide, pour c'est une offrande pour les récoltes de l'année d'après. Ben, c'est ça. Qui est une Christie de belle réflexion sur tout ce phénomène-là. Ben oui, puis qu'est-ce que ça a fait, Lady Di, là? Oui, tout à fait. C'est ce qui est arrivé à la base. Elle voulait juste avoir la paix. Parce qu'on le sait, en Europe, la monarchie, tout ça, c'est pire encore que les vedettes rock, là, quasiment. Oui. Là, fait que... Mais puis moi, comme je disais, hein, moi, je trouve que ça me l'a rendu personnellement un peu juste plus sympathique, Justin Bieber. Ben, honnêtement, oui. Puis écoute, le gars a bien le droit de faire qu'est-ce qu'il veut dans sa vie privée, en autant que ça attaque pas personne, puis un gars qui fume un joint tranquillement, je vois pas quel mal qu'il peut y avoir à ça. À un moment donné, je pense de sacrer un peu au monde, c'est possible aussi, là. Ouais, tout à fait. Non, c'est un métier de rapace, de rat d'égout. Moi, je comprends pas comment est-ce que les gens qui font ça peuvent se regarder dans le miroir, ben honnêtement. Je sais pas. Bah, c'est du monde pas de vie, là, qui essaye d'en avoir une à travers l'autre, là. Ouais, ben, puis ça, encore là, même... parce qu'il faut dire aussi, c'est correct qu'il y a les photographes, il y a les gens qui prennent les photos, mais il y a les gens qui les achètent. Ben, ça, c'est clair. Hein? C'est tous les potins, là, les People Magazine et tout ça. Là. Promène-toi dans les foyers québécois. Là, la plupart des chiottes où est-ce qu'il y a une femme qui réside sont garnies du Star System. Ouais, il y a de la scrap du genre. Mais même un lundi, c'est ça, mais à petite échelle. Là, tout à fait. Séjour, je sais pas quoi. Puis laisse traîner un magazine comme ça sur une table, là, fait juste ben innocemment comme ça. Là. Puis s'il y a du monde, il y en a un moment donné qui va y jeter un œil, c'est... C'est officiel, moi, j'étais allé au garage avant hier, il y avait des revues sur le bord. Je l'ai checké, la revue. Ben, c'est ça, on dirait que c'est plus fort que nous autres. C'est notre côté épais qui ressort. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est ça, c'est que j'ai regardé juste les gros titres chez là avec ma blonde, puis on a ri de chaque gros titre. Mm-hmm. Mais c'est drôle, on l'a lu pareil, les, ben, pas les articles, mais on a checké. On l'a pris attention pareil, mais on était là, tabarouette, ça crisse quoi à qui, ça? Effectivement. Excusez pour le mot, mais il me semble qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ben, moi. Non, mais ça fait quoi à qui ce qui nous arrive? On s'en fout. On n'en a absolument rien à branler. Personnellement, tant qu'à regarder des magazines avec des gros titres qui punchent, j'aime mieux regarder des magazines où est-ce qu'il y a des gros titres tout court. C'est ça, j'étais sûr que t'as des gros titres qui punchent aussi. Oui, oui, effectivement. C'est juste sa façon d'écrire le mot oui, titre. Oui, c'est là. Ça. Il y en a un qui finit par S. Ben, parlant de gros titres, tu nous as entendu tantôt avec Pamela Anderson. Oui, oui, oui, tout à fait. Les boules lui ont sorti de son kit. Ah, ben ça, elle, ce sera pas la première fois, Marc Bain, mais... Mais c'est ce qu'elle a dit, elle dit « bof, elle, c'est la coutume », tu sais, je veux dire, c'est quotidien, là. Ben, elle était pas mal à l'aise, mais pour 5 cents, sérieux. Ben moi, dans ces choses-là, tu vas voir que la personne s'assume totalement, j'adore ça. Comme tu dis, c'est tout est à son honneur. Hein. Oui, oui, oui, elle fait son argent avec ça, puis je pense qu'elle sait de toute façon qu'elle n'est pas appréciée pour sa personnalité ou pour son intelligence. Elle a fait sa fortune de cette façon-là, ça a été une icône sexuelle... Pour plusieurs. Ben oui, elle a agrémenté les Baywatch. Douches de plusieurs adolescents ben dans les oui. années 90. À ce moment-là, écoute-moi, à sa place, j'aurais probablement fait la même chose. C'est clair. Puis tu vois, c'est ce qu'il disait, tu sais, elle a fini son truc, puis il n'y a pas de trouble avec ça. Comme je te dis, c'est son quotidien. Elle a même pas fait... Elle en riait, là. T'sais. Oh, ben c'est ça. Puis écoute, à un moment donné, dans vie, fais qu'est-ce que tu veux. Moi, j'ai absolument pas de problème avec ça, mais assume-le. Exact, mais c'est ce qu'elle fait. Hein? Puis elle a quand même 45 ans, la madame. Oui, mais c'est ça. Puis c'est encore une très belle femme. Moi, je me ferais pas briller. Puis je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui sont... Il y en a plein d'autres. qui sont dans le même bateau. Mais c'est moi, clair. Quand c'est assumé, je vis très bien avec ça. En même temps, est-ce que j'aimerais que ma fille fasse une chose comme ça? Si j'ai une cote, tu te bains. Hein? Toucher une cote, peut-être. Ouais, si tu touches une cote. Mais encore, là, ça reste à voir. Hey, là-dessus, on va se quitter, mon cher Danny. Oui. Et puis, je vais juste te laisser un petit aperçu de ce qu'on va faire la semaine prochaine, parce qu'il y avait un peu trop de stock cette semaine. Mais je sais pas si tu savais, mais c'est les 75 ans de la pêche aux petits poissons des chenaux sur la rivière Sainte-Anne. Ouais. À ce moment-là, la semaine prochaine, on va tenir un gros dossier... Pêche aux petits poissons. Oui, tout à fait. Parler de quelques traditions puis de qu'est-ce qui arrive avec ça, finalement. C'est là, Citron. Merci beaucoup. Et puis, on va se laisser en musique sur une chanson des Chiens de tête. En même temps, je veux remercier les gens qui se sont pointés au bar La Grenouille le 21 décembre. C'était assez le party, hein? Et quand même... Ben, moi, j'aurais aimé un show plus long, là, Citron. Ben, on a été pressé par le propriétaire du bar, et puis je te dirais que la bataille de bière qu'il y a eu avec le public tes pédales, hein? A fait chier les pédales et puis les moniteurs de scène, donc... Exact, mais bon, c'était intense, court mais intense. Tout à fait. Exact. Ben, merci beaucoup de ta présence encore cette année dans le show. On se reparle mercredi. Sinon, tu peux me reparler avant, mais dans le show, on se reparle mercredi. On s'en va écouter pour Issal? Tout à fait, pour nos sympathiques joueurs de hockey. Et puis là-dessus, je t'offre mes salutations et puis on se reparle la semaine prochaine. Salut, Citron, merci. Salut. Bye. On s'en va écouter pour Issal. Drella. Restez là. Y'en a qui disent que je crains Garlo, d'autres qui disent que je suis pire qu'Hitler et pis que ma tête ne vaut pas grand chose. Ok, je suis pas un straight, moi je me pète pis je pogne des femmes. L'étiquette je l'ai dans le cul, presque autant que toi et pis ta gang. Non, je ne suis pas un douchebag, aux états salus et les médias sociaux. J'aime bien mieux d'être en train de faire la crème de bandit, un peu lourdeau. Parce que moi je t'ai pourri sale. J'suis un obsédé, un alcoolo, pis j'en ai rien à faire. Je suis un pourri sale, marche pas. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Maintenant, tiens, on va passer à notre segment pas mal. Kinky. Coquet. Coquet. Kinky, c'est que c'est top. Boum! Donc, vous savez, Kinky Sexy Time, pour ceux qui ne suivent pas trop l'émission, c'est là qu'on parle d'informations sexuelles. C'est un peu la même chose que c'est un fait, mais pas en même temps. T'sais? Mais pas. Mais c'est des faits sexuels. Des faits sexuels, c'est ça. On lui a juste, tu sais, on l'a comme un petit peu spin-offé, là, comme une série dérivée, là, dans sa propre chronique, à la place de faire c'est un fait Kinky Sexy Time. Mais ça mérite sa propre chronique. Ça mérite tout et ouais. plus. Oui. Tellement d'accord. Tellement. Donc, on dit que recevoir un message texte le matin, OK, ou la nuit, ben, tu sais, tard le soir, ça va amener une réaction chimique dans le cerveau qu'on associe avec le bonheur et le plaisir. Donc, c'est pour ça, sûrement, que votre copine vous demande tout le temps « Pourquoi tu m'écris pas? » Tu sais, le matin, puis... Parce que je travaille. Parce que c'est souvent ce que je réponds. Je travaille, je suis occupé, j'ai une job, excuse-moi, désolé, mais c'est que, il faut que je travaille. Mais c'est ça, les filles aiment bien ça parce que ça leur donne une réaction chimique dans le cerveau. Moi, on dirait que ma blonde, c'est le téléphone, elle. Faut qu'elle parle, puis il faut qu'elle entende. Ça, moi, je l'aurais... Non, désolé, je t'appellerai pas, mais j'aime pas ça. Non. La plupart des ruptures, OK, on dit que le plus grand nombre de ruptures, ça arrive lors d'une journée dans l'année et c'est le lendemain de Noël. Boxing Day. Mais la copine en boîte. Va-t'en. J'aurais dit avant, moi. Tu te sauves un cadeau de Noël? Ben non, mais justement, peut-être que c'est cheap, parce que c'est tu ça? Veux recevoir aussi ton cadeau de Noël. Tu sais, mettons, si tu sais que tu veux laisser ta blonde, tu fais comme, je vais y acheter un cadeau cheap. Moi, je vais avoir le mien vraiment hot. C'est chien, vraiment chien, ça. C'est sûrement la pire façon, non? Ben oui. Mais sinon, j'aurais dit le lendemain de la Saint-Valentin. Oui. Au printemps, quand les filles commencent à porter moins de vêtements dans la rue. OK. Non, mais c'est là que ça arrive. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais les nouveaux couples, c'est connu, les nouveaux couples au printemps, c'est là que ça arrive. Ouais, mais c'est la saison des amours. Ah. Voilà. Pas pour rien, ça. Alors, pourquoi ne pas renouveler son partenaire, hein? Non! T'sais, c'est comme un abonnement. Mon sel après 3 ans, change c'est ça. C'est tellement logique. Ah, mon contrat est fini. Ouais. Le record pour le plus d'orgasme féminin est 134 en une heure. Dans une personne? Une seule personne, 134 fois en une heure. Mais t'imagines à quel point c'est difficile pour le corps. C'est gerçant, ça gerce. Non, c'est pas un orgasme, c'est un jeune. Okay. Ouais. Mais non, pour vrai, ça doit être vraiment désagréable. C'est comme, à un moment donné, passe à d'autres choses. C'est ça. Tu sais, c'était supposément la fin du monde, la fin du mois de décembre. Donc, à cause de la supposée fin du monde, on estime que 100 000 personnes ont perdu leur virginité le jour de la fin du monde. 100 000. Ben, tu sais, tant qu'à courir le risque de mourir vierge. C'est une bonne excuse. Oui. C'est ça. Un simple baiser stimule 29 muscles et relâche, encore une fois, du truc chimique là, qui cause la relaxation. Donc, un simple baiser, 29 muscles. OK. La longueur de la langue est reliée, apparemment, selon une étude, à la curiosité sexuelle et au désir. Plus longue est ta langue, plus fort est ton appétit sexuel. Ah oui? On fait un test, tout le monde? Non! Là, je me sens pudique de la langue, on dirait. Oui! Ah, j'étais tellement dick de la langue avant. Non, je suis pudique, non, c'est ça. c'est même pas drôle. La personne moyenne va consommer... j'aime beaucoup celui-là. Attention, oreille sensible et déjeuneur, s'abstenir. La personne moyenne va consommer 12 poils de lard dans leur nourriture. De lard, là. C'est le poil qui est dans le milieu du corps. Là, hein, celui qui est de l'entregent. L'entregent, exactement. Donc, on va consommer en moyenne 12 poils comme ça dans notre fast-food par année. Chose que tu ne peux pas décevoir. Pas sûr. J'aimais mieux les araignées. Tu sais, comme l'extor, là. Les araignées. Moi, genre, c'est quoi... T'avales des araignées quand tu dors, quand tu dors, là, tu vas avaler tel nombre d'araignées dans ta vie. 3, 4, 5. Je sais pas, là. En tout cas, moi, dorénavant, l'expression « arriver comme un cheveu sur la soupe », faut vouloir dire autre chose. Arriver comme un poil plus bien sur la soupe. C'est bien. T'as mon burger. Hitler a sorti avec 3 femmes dans sa vie. Les 3 ont essayé, là, c'est dark, un petit peu, ont essayé de se suicider. 2 ont réussi et 1 était sa nièce. Erk! Je pensais que t'allais dire une. Mais souris verte. Hein? Fais pas de blague, là. Pas encore avec ça, là. Non, c'est ça. OK. La grandeur de brassière moyenne aujourd'hui est de 36 C. Oui, ça, tu l'avais déjà merci. Dit. Merci. Avant, et je vais répéter le reste pour ceux qui ne l'avaient pas entendu. Il y a 10 ans, c'était 34B. Bon, je vais répéter, c'est, tout le monde le sait maintenant. Le Pakistan est le pays qui cherche le plus le mot sexe sur Google. Le Pakistan. Le Pakistan, même pas les États-Unis? Non. Bizarre. Pakistan. Je sais pas. Mais le sexe est beaucoup plus accessible aux États-Unis, alors il est pas accessible. Puis ils ont bien du Pakistan pour aller en voir. Non, on a fait le tour, je pense. Les patients qui sont dans le coma, okay, vont souvent se toucher en se réveillant. Parce qu'ils ont eu, ils ont eu tellement de temps pour rêver dans le coma. Parce que tu es conscient, j'imagine, de certaines affaires. Là, je connais pas ça, mais j'imagine que tu rêves quoi, à des choses. Donc, en sortant de là, tu veux... Tu veux t'assurer que tout est là. T'assurer. Tu t'assures. Que tout fonctionne bien. Je me suis assuré toute la journée. C'est ça. Exactement. Un chef culinaire, là, cuisinier, chef cuisinier, au Japon, a cuisiné et a servi son engin pour 250$ par assiette. Il a fait cuire son... Il l'a vendu à 250$ par assiette. Il y a des gens qui consomment trop d'acide dans la vie, je pense. Ouais, c'est pas comme un petit problème mental. Il se l'est coupé? Il l'a cuisiné? Puis, ben voyons donc. Ça goûte comme le poulet. Est-ce qu'ils disent à quelle sauce? Je sais pas. Sauce du chef. Sauce du chef. Ouais, mais c'est atroce. Ça manque un peu de cornstarch pour faire lever ça. C'est un petit peu dégueu. Mais j'avoue que ça doit monter les statistiques du nombre de poils pubiens que tu vas consommer dans ton fast-food. Est-ce que c'est considéré du fast-food dépendant du gars? Il était-tu rapide ou pas? Le sperme, belle chronique ce matin, est très efficace pour traiter les rides et les ridules. Et il y a plusieurs produits anti-ridules qui vont utiliser des choses qui ressemblent, des choses chimiques qui ressemblent à ça. Et apparemment que c'est pour ça que ça fonctionne. Mais c'est plein de vitamine E. Ça dans ce que j'ai lu. C'est pas ou c'est ça? Ouais. Ouais, OK. Exact. Ça me donne quand même pas plus le goût de me beurre à la face. Mais c'est clair. Ben non, non. Pas pour les rides, en tout cas. Je préfère être ridée. Trop de stress, ça va apparemment enlever la libido. En fait, chez certaines personnes, même on dit chez la plupart des gens. Ça affecte les hormones et ça interfère avec le temps de qualité. Qui va aider les couples à rester connectés. Donc, si t'es stressé, ça va faire déconnecter le couple parce que il y aura pas autant d'hormones qui vont se dégager de toi. Ça va, vu que ta libido est baissée. Bon, si t'es stressé. OK? Les ventes de condoms sont à leur taux le plus élevé la semaine de Noël et l'été. Les ventes de condoms, c'est eux qui en vendent le plus. L'été, je peux comprendre. Semaine de Noël, j'imagine que c'est à cause des congés. Saint-Valentin, oui. Non? Non, c'est Valentin, le monde se protège pas. T'as encore des restants de Noël, t'as je pense. Le je pense que t'as encore ta batch de Noël. Tu peux dire? Ah ouais, t'achètes une grosse boîte à Noël. Tu sais, l'été, c'est plus long, fait que là, t'as le temps de la passer au complet. Et voilà. Pendant un orgasme, l'utérus va se contracter. Chez certaines femmes, ça peut causer des crampes qui vont durer jusqu'à une heure. Ouch. Eh ben. Hey, la fille, tantôt, là, 156. Ouais, elle avait pas ça. Ou encore, elle avait une giga-crampe à la fin de ça. Peut-être. Très grosse. Une étude à long terme chez 3500 personnes en Écosse. Dans le fond, cette étude-là a prouvé que du sexe régulier, ça pourrait enlever entre 4 et 7 ans à ton apparence physique. Si tu as des relations régulièrement, tu vas avoir l'air de 4 à 7 ans plus jeune. Ils ont fait cette étude-là à long terme chez 3500 personnes, donc quand même un bon échantillon. Bon. C'est bon. Pas besoin de se beurrer à la face. Non, c'est ça. Tu fais les deux, imagine. Ça va, oui. En même temps. Ah, c'est un peu trash comme image. Bon appétit. La différence principale entre les orgasmes masculins et féminins, c'est que les hommes se rendent à un point où ils ne peuvent pas se retenir, alors que les femmes peuvent perdre un orgasme alors qu'il est en train d'avoir lieu. Elles peuvent facilement perdre l'orgasme. Moi, je ne sais pas. Ah. Bon. D'accord. Une femme sur 1000... Née avec... ça, je crois encore que je l'ai déjà fait, mais aujourd'hui, je suis quand même pas pire dans ma moyenne, c'est juste mon deuxième. Donc, une femme sur 1000 est née avec l'utérus d'Idelphis, qui est un deuxième utérus. Ça, ah. Tu l'avais déjà dit. Bon, tu vois? C'est bien. Deux utérus. Bizarre. On avait parlé de deux... Est-ce qu'ils sont fonctionnels, les deux? Ça, je t'en l'ai dit pas. Non, j'ai pas le détail. Bonne question. Mais tu devrais faire plus de recherches. Ben ouais, c'est vrai. J'en fais pas assez de chroniques à cette mission-là. Ben non. Annabelle va nous arranger ça. Elle va faire la recherche. Ouais, c'est ça. Les hommes qui naissent avec une condition qui s'appelle, elle, la dysphalie, dysphalia, ou penile duplication, eux ont deux engins aussi. Deux, un. Ça, c'est cool. Mais non, avant. Ils se vendent des jouets pour ça. Ah, cool. Hein? Ouais. Pour deux, Mais non, mais il se vend des jouets dans des boutiques érotiques pour que, tu sais, qui, comment je pourrais dire? L'homme insère l'engin dans un anneau de silicone et après l'anneau de silicone est attaché un autre engin. Ah! Tu sais, pour un... Hein? Ah, on va avoir un double size, là? Yep. Double size. On a déjà parlé ici à l'émission de Persistent Genital Arousal Disorder, le PGAD, qui sont, bon, les personnes sont dans un état constant de presque se rendre, tu sais, sont comme dans un état de... Ah, c'est pas drôle, ça. Non, c'est vraiment pas drôle. Mais justement, un détail à ajouter là-dessus, les gens qui ont le PGAD souvent vont avoir des orgasmes spontanés. Ils peuvent en avoir plusieurs douzaines par jour et souvent doivent se stimuler eux-mêmes pour soulager leur, désordre, leur envie... insoutenable. Mais ça doit être fatigant. Quand tu as un emploi dans le public, ça doit pas être très évident. Hein? Exactement. En restauration, ce sera pas long, genre rien. Tes poils pubiens. Et voilà, on va finir par comprendre pourquoi. Ouais. Une étude récente montre que une personne sur 100 est asexuelle. Donc, ils sont juste pas attirés sexuellement par personne. Ça arrive. Une personne sur 100, c'est quand même pas mal. Ah, c'est plus ou moins 1%. Ouais, c'est beaucoup. La population. Je trouve que c'est beaucoup. C'est très beaucoup. Il y a un homme japonais qui a le record de s'être satisfait lui-même pendant presque 10 heures de suite. Mais genre non-stop? Ouais. Satisfaction mâle à relais? Mais non. Mais ça me fait penser au masturboton. Oui. C'est ça? On dirait que c'est peut-être dans le cadre d'un masturboton. Probablement. Je sais pas s'il y a gagné. Ça devait être le gagnant, effectivement. Oui, c'est ça. Imbattable. Il y a une école du sexe à Vienne, en Autriche. Il y a des pratiques en laboratoire et il y a des chambres mixtes où les étudiants sont supposés pratiquer leurs leçons. Eh ben. C'est le fun? On aime ça. Les gamers, femmes, donc les filles gamers, donc joueuses de jeux vidéo, ont 34% plus de relations sexuelles que les non-gamers. Yeah! Hein? Pourquoi, Annabelle, tu me pointes comme ça? Elle t'a pas pointé, en fait. Elle t'a complètement pesé sur le bras. Donc, elle m'a poké. Poké! Je ne sais pas. OK, non, je vais genre sauter des un petit peu trop. Et les acteurs de Two Girls, One Cup, je vous laisse... On détaillera pas la chose. Donc, Two Girls, One Cup, où on voit deux filles faire des choses. Se sont mérités 500$ chacune, en fait, les actrices. Pour ça? 500$ chacune. Ah, mais quelle belle bourse! J'adore le terme! J'aime ça. Bon, ben... Wow! C'est pas mal ça pour King Sexy Time pour l'instant. Je garde la deuxième moitié pour une autre chronique une autre fois. Ah! Tu veux qu'on continue un petit peu? Je sais pas. Ah, une autre. Une dernière, oui. OK. Une bonne, là. Une bonne, attends un peu, là. Attends un peu. Non, c'est parce que j'ai pas les phrases au complet là-dessus. Une crunchy. Une crunchy edition. Non, j'en ouvre juste un petit paquet de derniers, OK? Un tout petit paquet. Un petit paquet. Oh, wow! Une petite bourse. La génophobie, c'est la peur des relations sexuelles. OK? Génophobie. Ça, c'est bon. Il y a des singes à l'université Yale qui ont été, éduqués, entraînés pour comprendre le système monétaire. Et en fait, la première chose que les singes ont essayé d'acheter, c'était des relations sexuelles. Oh! Mais quelle chose dégoûtante. Ben oui. Les humains sont pas les seuls à faire ça à l'oral. Relation. Les hyènes, les chèvres et les cheetahs. Cheetah, c'est guépard, je crois. Oui. Font aussi ça à l'oral. À l'oral, ouais. Tu sais, j'aurais cru les singes, c'est tout. Ouais. Surprenant. Peut-être que ça en fait partie, tu sais, que Twitter a juste 100 quelques caractères. C'est plus qu'un d'autres. Berlin, un club de fétichistes qui vous permet de retourner en arrière dans le temps, si on veut voyager dans le temps, et avoir des relations comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire en puant et... C'est ça. Le troisième, est-ce qu'on dit bras ou pattes pour une pieuvre, tu penses? Ni l'un ni l'autre. Tentacule. Mais c'est ça. Donc, la troisième ou le troisième tentacule? Oui, d'accord. Le troisième. Je vous corrige parce que je sais que quand je me fais une gaffe, tu sais, je n'entends parler longtemps. Là, t'en as deux en plus qui te surveillent. Donc, le troisième tentacule à partir de la droite. Je sais pas par où tu commences. Ouais, c'est ça. Dans le sens d'une horloge à partir du premier œil à droite, j'imagine. D'accord. Donc, le premier tentacule droit à droite d'une pieuvre mâle ou d'un pieuvre, est-ce qu'on peut dire ça? D'une pieuvre. Et plus que seulement son bras, c'est aussi son engin. Bon. Ah! Oh, son tentacule, c'est son engin. Son troisième tentacule à partir de la droite. Pas à partir de la droite, à la droite. Troisième à la droite. C'est très clair. Sûrement qu'il est différent physiquement. Là, peut-être qu'il y a un embout. En tout cas, moi, pour être certaine, si je croise un pieuvre, là, ben, je ne sers aucun tentacule. Plus de 60% des gens ont déjà menti à leur partenaire sexuel par rapport au nombre de gens avec qui ils ont eu des relations sexuelles. Oh. 60% des gens. Manger du céleri va te rendre plus attirant envers une femme attirant ou attirante. Ça relâche des phéromones qui augmentent, dans le fond, la senteur de sexe. Tu manges des céleri. Du céleri, ça sent... Le rayon des fruits et légumes n'aura jamais été aussi attirant. C'est ça. Et le céleri n'aura jamais eu l'air aussi phallique. Et le mâle moyen va, va se rendre... Ça va. Oui. 7200 fois dans sa vie. Et quand tu parles de l'homme, c'est l'homme avec un petit H ou un grand H? Un petit H. Un homme. OK. Le mâle moyen. Il n'y a pas de mal à ça. Ah, ouais, je sais. Ouais. C'était donc King Sexy Time, prise 2. C'est tout. On n'a jamais assez. Mais non. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent la merde. Oh yeah! Bienvenue à notre première dégustation de bière de l'année 2013. La première, mais non loin, vraiment loin de la dernière. Hein? Ça, c'est officiel là-dessus. Qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on goûte? Je vous l'ai dit tantôt, si vous êtes sur la page Facebook du Dîner de cons, vous le savez encore, je viens juste de vous mettre un peu d'informations là-dessus. Eh bien, on goûte une bière du Dieu du ciel. Quand même, cette bière du Dieu du ciel, c'est toujours... Mais pas cette bière, toutes les bières du Dieu du ciel, c'est toujours un plaisir. J'ai jamais pris une bière du Dieu du ciel qui était mauvaise, vous comprenez? Il y a des types qui sont moins le nôtre, hein? Mais bon, c'est toujours des bières de grande qualité. Ils ont été nommés le Dieu du ciel, entre autres, un parmi les trois meilleurs brasseurs canadiens. Je pense que c'est le deuxième, le Trou du Diable, c'est le troisième. Et la première, c'est une brasserie, je crois, dans l'ouest, là, dans l'Alsama, là, Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Donc, c'est quand même un produit de qualité. Et je dirais même pas quand même, c'est un produit de qualité. Donc, aujourd'hui, on goûte quelque chose de tout à fait nouveau. C'est une invention du Dieu du ciel. C'est la Black IPA qui s'appelle la Pénombre. Si je vous envoie un peu qu'est-ce qui est inscrit sur la bière, eh bien, je vous dis, elle est créée par Craig Noonan. C'est un style qui se veut être une nouvelle interprétation des India Pale Ale, tendant vers les porters. Elle se différencie par son illustre ancêtre, par l'utilisation de malt torréfié, d'où sa couleur noire. On retrouve donc dans cette bière l'amertume tranchante et dominante des IPA, mais celle-ci est cette fois associée à des goûts de rôti évidents. La Pénombre que je vous présente là est née de notre à la brasserie de Montréal en avril 2008. Au début, cette bière-là, elle était à 6% parce que je suis allé voir sur Internet et puis c'était à 6%. Celle-là que j'ai aujourd'hui, qui a été brassée cette année, eh bien, elle est à 6, elle figure à 6,5%. Donc, elle est considérée comme une bière forte. Pourquoi pas baisser un petit peu la trame et aller déboucher notre première bière de l'année 2013, la Pénombre. Et pourtant, c'est une belle journée, plein de lumière aujourd'hui. Mais bon, c'est les contraires, hein, ça va toujours bien ensemble. Eh bien oui, on y va comme ça. Et il y a des gens qui sont fatigants qui m'appellent sur Internet, ils n'ont pas compris que je suis en onde. Il n'y a pas de problème. Sur ce, on a été dérangé par notre de notre débouchage en règle. Mais bon, on va au moins profiter du moment de la verser. On se retrouve avec au look une stout. Ça, c'est officiel, officiel et qui fait un immense collet. Facile à faire un très, très beau collet. Et puis une noire, c'est toujours bien intéressant à voir avec un bon collet, hein, quand même. On remet notre piste et puis on va s'envoyer une petite rasade de la pénombre à l'instant. C'est vraiment... du nouveau dans ma bouche. Et puis, la description sur la bouteille nous parle très, très bien parce que, comme nous disait sur la bouteille, on a une amertume certaine avec cette IPA. Hein. Les IPA, c'est reconnu pour être très houblonné et goûter petite amertume quand même. Mais la finale, ben, c'est une stout, presque une stout impériale, vous voyez. C'est le côté crémeux vient nous aider, vient adoucir l'amertume de cette bière. Donc, je m'en envoie une autre rasade, mais vraiment une amertume que moi, personnellement, j'aime moins. Je ne suis pas un amateur à la base de IPA. C'est le type de bière que je découvre un peu cette année parce que je me laisse prendre par la mode des IPA. L'IPA est très, très à la mode en ce moment. Même chez Boréal, on a sorti une IPA en fût, puis... En fût, je pense que ça faisait un petit bout qu'elle existait, mais maintenant embouteillée. Tout le monde l'aime très, très... l'aime beaucoup. Donc, on va s'envoyer une petite gorge encore. Ouais. Personnellement, cette bière, la pénombre, c'est une bière que je dégusterais et qui est un format, celle-là, un petit format d'une bière normale, là, comme une petite Molson à 341 millilitres. Eh bien, personnellement, moi, c'est le genre de bière que j'aimerais partager avec un ami, même avec une petite bouteille, parce que c'est pas mon type de bière. Par contre, si vous aimez les stouts, et ce serait une stout d'été, cette bière. Pour vrai, je pourrais la qualifier d'une belle petite stout d'été. Donc, parce qu'on sait, les IPA sont très rafraîchissantes. Donc, on a le côté rafraîchissant, mais qui adoucit ou qui un peu arrondit les coins par le côté rôti de la torréfaction du grain. Donc, c'est une bière à découvrir, surtout si vous aimez les bières un peu amères et différentes, parce que c'est un hybride de genre qu'on a fait avec cette pénombre. La pochette, je dis toujours la pochette avec une bière. L'étiquette, c'est un genre de babacool hein, qui est en train de boire cette bière dans la pénombre. On dirait qu'il est assis sur la rue Laurier directement au Dieu du ciel. À noter que le Dieu du ciel a deux endroits et que les deux endroits sont on peut se rendre, c'est à Saint-Jérôme, je crois, je vais aller revoir, là. Et l'autre, c'est sur la rue Laurier, si je me trompe pas. On va aller voir, tiens, microbrasserie, le chemin de croix. Chemin de croix, c'est quoi? L'acte de foi. OK, microbrasserie. On va aller voir pour le fun les adresses si vous voulez plus d'informations. OK, mais c'est ça, le site est bien fait. On peut aller voir au menu qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Les bières en bouteille, les points de vente, le site, ça, c'est quand même assez bien fait pour pouvoir en trouver, là, si vous voulez en trouver, mettons, à travers le Québec. On a quelques points de vente très, très intéressants. La barrique, est-ce qu'il est là? Centre du Québec, est-ce qu'il est là? Mauricie, Estrie. Bon, le site n'est pas, je trouve pas très à jour, mais quand même, leur force à eux, c'est pas de faire des sites Internet, c'est de faire de la bonne bière. Et ça, ben, ils le réussissent sans problème. Donc, on va aller s'écouter une petite pièce musicale le temps que je goûte plus en profondeur cette belle Black IPA. Hein? C'est toujours drôle parce qu'on dit Indian Pale Ale. Elle serait supposée être pale, ça serait supposé être assez pâle, hein? Et non, on est la Black IPA. On écoute quoi en attendant? Eh bien, donc, j'ai le goût d'aller rocker quelque chose. On va aller se taper du Steppenwolf, mes amis, hein? Rien de moins, hein? C'est parfait pour boire une bière à 11h50 le matin. On va aller se taper la pièce Jupiter Child. Profitez-en, ça va rocker! We'll be right back. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Donc, 7h30, le jeudi matin, c'est la nouvelle case horaire de Maxime Bilodeau. Et on l'accueille pour la dernière session, je pense. Une dernière session. Oui, c'est une dernière session. On va en profiter jusqu'à la fin. Voici d'une foulée à l'autre. Bien que ça fait entendre ce thème-là, ouais. Hey, il est bon! Il est bon! Il est excellent. Ah là, moi, c'est focus, là, je suis parti. Ça fait 3 semaines qu'on l'a pas entendu, je pense. Non, ouais. Par contre, j'espère que les gens. Et là, moi, j'ai vu que les gens, oui, l'ont entendu parce que j'ai vu sur Facebook quelqu'un laisser un bon commentaire sur l'émission spéciale Guide de l'utilisateur d'assemblage requis, d'une foulée à l'autre. À l'autre. J'ai eu pendant les fêtes. À l'autre. Toujours. Je me suis limité sur le nom de à l'autre que j'avais. À un moment donné, t'as fait bis. C'est ça. Donc, c'est ça. Commentaire là-dessus. Les gens ont vraiment aimé ça pour entendre plusieurs. Là, j'ai pas pu toutes les mettre parce que ça a duré comme 3 heures. Mais plusieurs de tes chroniques. Back-to-back. C'était vraiment le fun d'écouter pour vrai. Ah, ben, cool. J'ai manqué ça. Ouais. Mais t'étais intelligent. Oh, je suis intelligent. C'est si j'étais idiot, je serais pas ici. Je serais dormir. C'est ça. À partir du mois de mai, on t'entendra plus jamais. Au pire, je reviendrai juste pour vos beaux yeux. Par téléphone, pourquoi pas? Tellement. Donc, ça, allez voir, écouter plutôt l'émission d'une foulée à l'autre sur assemblagerequis.com, c'est là si vous voulez télécharger le MP3. Mais embarquons dans la chronique d'aujourd'hui, on fait des résolutions pour 2013 ou on prédit des affaires? Ben, en fait, depuis le début de l'année, probablement que vous êtes fait bombarder, comme moi, en fait, des fameuses tendances 2013, après les palmarès 2012, c'est les tendances 2013, les résolutions 2013, ça n'arrête plus. Non, donc, moi, je n'ai pas vu tant que t'as ça. T'as pas vu tant que non, ça? Je sais pas. T'es pas allé voir Il me semble qu'à radio, puis à télé, c'est tout ce que j'entends. Tout ce que j'entends, chaque chroniqueur, chaque panéliste fait tendance 2013. Qu'est-ce qui va se passer en consommation, en économie, en sport, en art, en ci, en ça? Ça n'arrête pas. Et voilà, on sort notre boule de cristal. En fait, on fait un exercice de futurologie. La futurologie étant une science à part entière. Donc moi, je me joins au party, dans le fond. Sauf que la seule différence, c'est que moi, je vais faire un exercice de futurologie qui va aller plus loin que 2013. Oh. Et qui surtout ne s'attardera pas au CH et tout ça. Mais là, où est-ce que je vais en savoir plus sur le CH si j'ai pas ça? Mais ça, tu connais-tu RDS? Mais ça là, je pense que tu vas... Jamais entendu parler. T'es chanceux. T'es très chanceux. Donc, moi, je vais faire un exercice 2013 un peu de futurologie, sauf que je vais vous parler de grandes tendances dans les 10-20 prochaines années. Donc, là, c'est comme 2023 à 2033. En 2023, on s'en reparlera, puis c'est probablement que ça va être arrivé. T'avais pas raison! Petite maison des vieux. Un jour. On va sortir la cassette, on va faire play là-dessus, on va être écouté parler. Cassette? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que là, on va être dans le passé, puis je m'imagine que ça va être rendu sur cassette. La cassette va redevenir à la mode. C'est ça. Et voilà, il va avoir comme eu un retour vers le passé. Uh-huh. Et voilà. Donc, première tendance, les vêtements 2.0. Je sais pas si vous en avez peut-être déjà entendu parler. 2.0. Non, vous n'en avez pas entendu parler. 1.0, mais... Ben, ça, c'est ce qu'on a sur le dos en ce moment, là. On n'est pas tout nus, heureusement. Donc, avant de vous parler des vêtements 2.0, je vais commencer par parler d'une autre chose qui s'appelle l'auto-quantification pour justement arriver aux vêtements 2.0. Donc, qu'est-ce que l'auto-quantification? C'est un peu l'acte de collecter des données autant quantitative que qualitative, donc des données chiffrées comme autant des émotions, des sentiments, des états d'esprit, sur justement ces états, que ce soit biologique, psychologique, physiologique, à l'aide de, bon, ça peut être des capteurs, ça peut être des journaux, ça peut être n'importe quoi, et ça en vue des analyser, donc interpréter pour l'utilisation personnelle. Donc, en fait, l'auto-quantification, c'est plus un courant avec des communautés un peu dans le monde entier. Je sais qu'il y en a ici même au Québec, à Montréal, des gens qui se rassemblent et qui, eux, leur trip, c'est de collecter des données sur eux-mêmes. Donc, ça peut aller de son sommeil à... C'est ben, ce qu'il mange. Est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on... Bref, c'est très, très large. C'est ça. Oui. Et ce qui est très, très, très à la mode en ce moment, c'est les petits bracelets. Oui, Nike voilà. Fuel Band, le Jawbone Up. Il y en a voilà. plein comme ça. Il y en a et plein. Ça te dit combien d'heures tu as dormi. Oui, voilà. Ça te compte tes calories de ce que tu manges. Et voilà, voilà. Donc, c'est vraiment un service intégré, si ouais. on veut, de collecte de données. Comme on dit, c'est pour des démarches personnelles. Donc, ça peut être pour la perte de poids. Ça peut être pour être plus, plus focus. Ça mieux peut dormir. Être mieux dormir. C'est des affaires très, très, très, très simples pour faire plus de sport, plus bouger. Donc, je vous dis, il y a du. Nombreuses communautés qui existent, puis dans le fond, ben, quand on pense à ça, l'entraînement, donc le fait de justement se mettre en forme, c'est exactement ça. Ça existe depuis des années. Collecter des données, donc que ce soit ses fréquences cardiaques, que ce soit ses vitesses moyennes, que ce soit dans le fond ses performances, pour justement faire. Voir l'amélioration. Voir l'amélioration. Donc c'est vraiment une démarche personnelle. Tu sais, même les consoles de jeux vidéo portables, bon, ça, c'est la 3DS oui. de Nintendo, tu peux compter tes pas. Dans l'appareil, puis si tu marches pas de moindre. Oui, puis ça rajoute ça, mettons, à tes pas du jour, et après, tu peux dire que ah, j'ai fait 15 000 pas. C'est tous des points pour acheter des affaires dans des jeux après. Ah, ouais, c'est, donc, ah, ça encourage les gens, c'est le fun. Ah. Non, c'est, dans le fond, c'est un petit peu une démarche de ludification. Je sais pas si tu connaissais ça la chose. Ça rend ça amusant. Gamification. Donc, c'est un peu le principe. Donc, actuellement, c'est, comme on dit, les Jawbones et tout, ça existe. Il y a également sur les téléphones intelligents de nombreuses applications qui existent pour justement que ce soit Nike Run, qu'on appelle, qui est pour la course à pied. Ça, c'est une affaire que tu mets dans ton soulier. Ouais, voilà une petite puce qui te permet justement de calculer ton kilométrage et tout, tu peux partager ça avec tes amis sur Facebook et dire « Ah, oh, j'ai fait 5 km aujourd'hui en 24 minutes. » C'est génial parce que c'est ça qu'il faut, il faut que tu aies de la compétition ouais, pour voilà. t'améliorer. Et voilà, c'est que quand on parlait de gamification, dans le fond, si tout le monde fait ça, ben ça fait que ça devient un gros concours en soi, puis ça devient une démarche qui se fait collectivement. Et puis, on sait tous que ben, collectivement, on a plus de chances d'aller plus loin que si on fait tout par soi-même, chez nous, tout seul. Donc, c'est un peu la nouvelle façon de s'entraîner. Donc, il y en a d'autres qui existent, mais Fitness Pal, Run Keeper, ça c'est vraiment plus pour l'entraînement. Le Fitbit, c'est le mot qu'on entend partout aux États-Unis, le Fitbit. Oui, oui, c'est un petit ben, t'as, une petite montre, je pense. T'as un nouveau, le nouveau qui vient de sortir au CES, ouais. Là, ben, qui a été annoncé, c'est le bracelet. Mais il y avait aussi juste un petit bidule que tu mets dans ta petite poche de jeans. Okay. Une affaire que tu accroches après ton sac ou après n'importe quoi. Donc, et voilà, les outils sont là, il suffit de les utiliser ouais. intelligemment. Donc, il y a également les fameux logiciels couplés avec des instruments. Donc, ça, c'est les logiciels classiques d'entraînement qui existent depuis de nombreuses années. On en parle pas trop parce que c'est un petit peu moins connu. Le problème avec tout ça, dans le fond, c'est parce que comment dire, mettons les téléphones intelligents, le gros problème avec ça, c'est que bon, ben, c'est pas pratique. Veux pas quand on va s'entraîner avec son téléphone intelligent, c'est bien rare qu'on va partir avec sa grosse tablette, que ce soit sa tablette, que ce soit avec son téléphone comme tel, quand on s'entraîne, c'est pas pratique. Mettons, si on fait de la natation, ben, le téléphone intelligent, il marche pas, bien évidemment. C'est vrai. C'est également le manque d'instruments. Veux pas avec le téléphone intelligent, c'est pour tout ça, c'est nous-mêmes qui rentrons les données dans le téléphone intelligent. Ouais. Ce qui est pas très très pratique dans un sens. On n'a pas vraiment de capteur comme tel qu'on met sur notre corps. Oui, ça existe, mais encore là, est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est des données valides qui sont collectées? Je sais pas, j'ai un doute là-dessus. C'est des mesures à bord du temps qui sont justement, comme je viens de dire, c'est simple, donc c'est très très aléatoire quelque part. Le gros problème également, ben, si on prend les logiciels, qui est un peu le lourd pendant des téléphones intelligents, c'est que c'est très coûteux, c'est que c'est pas intégré encore, faut rentrer toutes les données, c'est très compliqué, ça me prend beaucoup de temps. Puis c'est justement pour, juste pour l'entraînement, des fois c'est très très précis, juste pour des données très très précises, donc c'est pas quelque chose de très très universel. J'arrive mais finalement à mes vêtements, dans le fond ça pourrait être une solution à ça. C'est des produits qui vont venir dans les prochaines années, des textiles intelligents, dans le fond, ça va être tous ces outils-là d'auto-quantification qui vont être intégrés aux vêtements. Donc, on va mettons avoir un t-shirt qui prend notre fréquence cardiaque, notre pression artérielle. Avec des senseurs un peu partout. Ouais, avec des senseurs. Mais tu vas porter tout le temps le même chandail à tous les jours pour pouvoir. Ben, c'est justement, on va s'imaginer qu'au début, ça va être excessivement coûteux, ça va être quelques items. Sauf qu'on peut s'imaginer qu'avec le temps, ça va devenir de plus en plus démocratisé. Et puis, ça va être. Des bobettes? Pas si cher que ça, des bobettes? Ben, ça change de tous les jours? Ben oui, voilà. Savoir combien de fois tu pètes. C'est justement, comme je disais tantôt, la façon d'utiliser, c'est là toute la savoir de la chose. Le nombre de fois qu'on pète par jour, je pense pas que ça soit très, très pertinent, effectivement. Pétinant. J'ai dit pétinant. Donc, on peut s'imaginer qu'on va être plugué 24 heures sur 24, 365 jours par année sur ces genres de données-là, puis qu'on peut justement les utiliser pour faire des choses. Il y a plusieurs prototypes qui existent, donc que ce soit Nike, je sais qu'il en développe, Adidas, Under Armour également en développe. Google, ça, on sort un peu du vêtement, sauf que Google développe des lunettes ou des montres qui vont justement être intelligentes. Donc, ça va vraiment être le mini-ordinateur dans la montre. Donc, on s'imagine que ça va être de plus en plus intégré, de plus en plus présent dans notre vie, les fameuses petites applications. On va vraiment être rendu full 2.0, full technologique. Il y a également une compagnie à Montréal qui s'appelle Carré Technologies qui développe des produits de même, de vêtements. Donc, c'est de plus en plus appelé à croître. Donc, c'était pour ma première tendance. C'est vêtements 2.0. Celle-ci, je vous dirais que dans une dizaine d'années, on va vraiment en entendre beaucoup plus parler. Puis ça va être de plus en plus présent. La prochaine, peut-être un petit peu plus à long terme, je vais vous parler de chaussures, dans le fond, de chaussures de course à pied. Vous savez que j'ai un petit. J'ai emmené une tendance. Ouais, voilà, j'ai un petit fait pour la chaussure de course à pied. J'en ai déjà emmené une tonne ici. Donc, en fait, si on regarde un peu le marché en ce moment, le marché de la chaussure. Tabarouette. Mais là, c'est pour courir. Donc, le courcher, non? Si bon, bah, ok, elle va pas marcher celle-là. Donc, il y a beaucoup de produits qui existent. Ils ont des multiples caractéristiques. Donc, selon qu'on fait de l'entraînement en gymnase, qu'on fait de la course sur route ou en sentier, dépendamment des sentiers qu'on court, si on fait de la piste, ça va être encore là, des chaussures différentes. Donc, plusieurs types de chaussures, ce qui fait qu'on peut les multiplier selon les pratiques. Et c'est pas pratique, on va se dire. Il y a également le fait qu'ils ne sont pas spécialisés comme tels, ils ne sont pas faits pour l'utilisateur. Donc, que ce soit la physionomie de l'utilisateur, le type de pied de la personne, tout ce qui est les détails anatomiques, la façon de fonctionner des organes. Donc, ils ne sont pas vraiment personnalisés, les chaussures. Quand on va en acheter une, c'est la même chaussure pour tous et chacun, dépendamment des modèles. Donc, comme je vous dis, on multiplie les paires. La solution à tout ça, ben, comme je vous disais tantôt, à court terme, il n'y en a pas vraiment. Ça va continuer de même. On va avoir différents types de chaussures qu'on va devoir acheter selon nos pratiques. Sauf qu'à long terme, je vois très bien un peu, j'ai marqué ça carré de même, imprimé ces chaussures. Ben oui, les imprimantes 3D sont très à la mode en ce moment. Et voilà, on en a entendu parler. Mais Mathieu, je sais pas si tu connais, toi, François. Ben j'ai vu passer ça, les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, dans le fond. Ben moi, je vois très bien que, ben dans le fond, une imprimante 3D, comment ça marche, juste pour nos auditeurs, c'est que, dans le fond, c'est un dossier qui est fait sur l'ordinateur en 3D qu'on transmet à notre ordinateur qui, lui, va l'imprimer à partir d'un moule de résine, dans le fond, à l'aide d'une lumière UV qui va faire des couches à partir du moule de résine, et ça va faire l'objet qui est, qu'on voulait faire, qu'on a modélisé sur l'ordinateur. Donc, ce que ça pourrait nous servir, ben, il y a déjà des boulons qui ont été faits, des chaînes de vélo, qui sont des outils un peu, ouais. Ben, des pièces qui sont un peu plus dynamiques, pas juste des affaires qui sont statiques comme des bibelots, des figurines, ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment pratique. On peut faire ça à la maison. C'est ouais, et voilà. Et voilà. C'est rendu 3 000 $, je me trompe pas. Puis on peut penser que dans les prochaines années, encore là, ça va se démocratiser et ça va devenir de moins en moins cher. Bureau en gros aux États-Unis va avoir des imprimantes 3D. Donc, j'imagine au Québec, ça va venir aussi. Peut-être qu'un magasin de souliers pourra avoir dans son magasin en arrière. Et voilà. Et voilà. Kiosque. C'est là que je voulais en venir. Dans le fond, c'est qu'on peut vraiment penser. Puis c'est pas juste des moules de plastique, la résine de plastique qui est utilisée. Ça peut vraiment être de tout type de matériel. J'ai vu que la céramique est utilisée. J'ai vu que des différents textiles. La céramique aussi, ouais. Ouais, et voilà. Donc, on peut penser qu'il y a un très gros potentiel derrière ça. Puis, on peut vraiment penser que le futur de la chaussure de course va être vraiment magasiner votre chaussure selon vos profils, selon vraiment vos profils personnels, votre choisis ta marque. Voilà. Choisis tes matériaux. Et voilà, si on est, ton design. Si on est du genre un peu plus vargé dans ses souliers, aller pas l'étoffer longtemps parce qu'on est, très dur avec eux, on peut penser qu'on va les faire un peu plus durable, un peu plus solide, un peu plus rigide. Si on veut quelque chose de vraiment léger, de vraiment flexible, alors on va pouvoir vraiment modéliser sa chaussure comme on veut, ce qui va vraiment être un changement complet de paradigme par rapport à ce qu'on a en ce moment. Et je me demande si ça va être si loin que ça. Ouais, ça va être peut-être un petit peu plus proche qu'on le pense. Moi, je pense qu'on va écouter cette chronique-là dans, mettons, 10-15 ans, puis on va dire, coudonc, il prédisait ça comme si c'était super loin. Et voilà, ben, j'espère bien, mais sincèrement, ça serait l'idéal, tu sais. Ouais. Je sais que, je donne un exemple de même, je sais que les sprinteurs, mettons, aux Olympiques, prenez Usain Bolt, leurs chaussures, il faut qu'elles soient excessivement rigides pour atteindre les vitesses qu'ils atteignent. Donc, ils ont une certaine limite de rigidité. Et puis sont réglementés que sur cette limite-là et sur le type de soulier, sur justement la rigidité du soulier. Donc on peut vraiment s'imaginer que pour ce type d'athlète-là, parce que c'est tout le temps les athlètes, c'est tout le temps un peu les privilégiés qui vont goûter à ça en premier, que c'est là qu'on va voir ça arriver les premières fois. On sait pas, peut-être qu'en 2016 à Rio, aux Jeux Olympiques au Brésil, il va déjà avoir ce type de technologie-là qui va avoir apparu. Donc je l'espère bien. En fait, il y a déjà des designers qui ont pris des chaussures genre talons hauts, vraiment des chaussures mode, et qui ont déjà imprimé ce type de produit-là. Donc, c'est, comme je vous dis, à venir dans les prochaines années. Génial. Donc, la troisième, on sort un peu des bébelles et on va un peu plus dans ce qui va être le futur de l'entraînement, du sport, vraiment de l'activité physique. Moi, je pense que de plus en plus, on va entendre parler de neurosciences dans le sport. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, bon, vous connaissez un peu le cliché en ce moment, le fameux film des Boys, la part du mental, le mental toughness, la dureté du mental. Donc, c'est très cliché, sauf que aussi bête que ça puisse paraître, c'est que historiquement, dans les sciences de l'activité physique, le mental a été très peu étudié. On s'est surtout attardé au physiologique, purement ce qui se passe au niveau physiologique. Donc, pour expliquer la fatigue qui amène la fin de l'exercice, on l'expliquait vraiment d'un point de vue physiologique. Donc, ça peut être, je ne rentrerai pas trop dans la technicalité, mais ça va être à partir de toute la modélisation de la fin de l'exercice va être vraiment à partir des fréquences cardiaques, de la lactatémie qui augmente, etc., etc., qui justement va mener à la fin de l'activité. Donc, ça, bien sûr, comme je dis, ça ne prend pas en compte tout ce qui est le domaine plus psychologique, tout ce qui est un peu plus mental, ce qui est un peu moins perceptible. Mais je pensais que ça, c'était déjà fait. C'est déjà fait. C'est qu'en fait, c'est de plus en plus exploré, okay. Sauf qu'on l'explique très mal. On ne sait pas ce qui se passe vraiment au niveau du cerveau qui nous dit, c'est quoi vraiment l'apport précis du cerveau. T'sais, on a, comme je disais, on a tout calculé le domaine physique, sauf qu'au niveau du cerveau, on l'a très peu calculé. C'est parce que c'est très difficile à calculer. C'est quoi, mettons, ton état psychologique idéal? Il y a une théorie qui a été avancée dans les dernières années qu'on appelle la théorie du gouverneur central. Qu'est-ce que la théorie du gouverneur central? Ben, imaginez-vous que vous avez un petit bonhomme dans votre tête qui vous donne la corde ou vous donne la corde ou vous en enlève dépendamment de votre état de fatigue. En fait, c'est lui qui va dicter votre état de fatigue et c'est lui qui va faire que vous pouvez aller plus vite, aller moins vite, qui va justement contrôler l'intensité de l'exercice. Fait que c'est avec lui, il faut que tu jases. Ouais, c'est avec lui, il faut que tu jases. Sauf moi, gouverneur central, moi, c'est le surnom de mon... vu de même. Donc, ça serait... Je vous modélise comme un petit bonhomme dans votre tête, sauf que, évidemment, c'est pas ça. Sauf que c'est d'essayer d'un peu cartographier ce domaine-là, cet apport-là justement du cerveau. Donc, il y a plusieurs preuves de l'existence de celui-ci. Je vais les prendre une par une. Imaginez-vous que vous êtes en compétition. Quand vous êtes en compétition, OK, versus en situation de non-compétition, c'est tout à fait logique de dire qu'en compétition, vous allez forcer plus. Admettons que vous courez votre 5 km dans la vie de tous les jours en 25 minutes, donc 5 minutes du kilomètre. En compétition, peut-être que vous allez être capable de courir en 23 minutes, qui est 2 minutes de plus. Pourtant, vous avez la même forme physique en théorie. Donc, encore là, c'est un peu la théorie psychologique. Ben, c'est justement le fait d'être en compétition, le fait d'être mis face à face à d'autres personnes va justement faire qu'on va pousser plus, qu'on va être capable d'aller plus loin, puis on va être capable justement de repousser le seuil de fatigue. Okay. Autre exemple, en fin de compétition, mettons on arrive sur notre 5 km puis on arrive à la ligne d'arrivée. Là, c'est ça, tu vois juste la ligne d'arrivée. Tu vois la ligne d'arrivée, donc tu vas sprinter. Sauf que un kilomètre avant, t'étais mort, t'étais dans le tapis, puis t'avançais plus, puis t'avais l'impression que ça finirait plus jamais. C'est vrai, ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Juste le fait de voir la ligne d'arrivée a repoussé ton seuil de fatigue et t'a permis de sprinter jusqu'à la fin. Donc, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, tu vois la fin. Et voilà. Donc, encore là, c'est un peu l'aspect du mental qui va dicter un peu notre seuil de fatigue. Autre exemple, l'effet placebo. Aussi con que ça puisse paraître, l'effet placebo, si je vous donne une pilule et je vous dis que ça, c'est la meilleure drogue en ville, vous allez performer mieux, sauf que c'est du sucre, ben vous allez performer mieux pareil. C'est le fameux effet placebo, c'est ça à la base. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste le mental qui nous a dit, ben t'as plus, en théorie, t'as plus de jeux, donc moi, je t'en donne plus, donc tu peux... La confiance. Et voilà, t'as plus de confiance en toi, donc mentalement, ben tu vas te donner plus puis tu vas mieux performer, même si à la base... C'était juste une pilule. Pareil. Et voilà. Donc, autre exemple, là, je pourrais vous en nommer, je pourrais continuer comme ça pendant encore des heures, je vous en nommer quelques-unes autres. Le recrutement musculaire, là, c'est un peu plus technique, sauf que si je vous demande de contracter votre muscle, mettons votre bicep au maximum, c'est votre bicep. Pas capable. Je veux pas ça. Un bicep, que c'est ça, j'ai perdu ça. Donc, t'as des fêtes, là. Il est en vacances encore. Donc, si je vous demande de contracter au maximum, et je regarde le nombre de fibres musculaires qui est contracté, qui est recruté au niveau de votre muscle, il y a le gros maximum que vous allez être capable d'atteindre, c'est à peu près 50% de vos fibres musculaires. Jamais vous allez recruter 100% de vos fibres musculaires. OK. Si on était capable, Pourquoi ils sont là, c'est une bonne question. C'est que justement, il y a ce qu'on appelle un turnover. Donc, parfois, il y a un changement de fibres musculaires. Quand il y en a une qui est épuisée, l'autre va prendre le relais. Donc, il y a un roulement qui se fait comme ça. Sauf que si je vous demande de faire une contraction maximale, jamais vous allez être capable de contracter 100% de vos fibres musculaires. OK. Pourquoi? C'est juste que notre cerveau nous dit que 50% c'est notre limite. Au-delà de ça, notre homéostasie, notre équilibre corporel, notre cerveau dit qu'il va être. Il nous envoie le signal que ça va être compromis. Donc, il ne nous permet pas d'aller jouer dans ces zones-là. Imaginez-vous si on était capable d'aller, mettons, recruter 5% de plus, 10% de plus. Mais dans des situations, il y en a qui sont capables. Dans les situations, c'est un excellent exemple. Admettons que vous avez déjà tous entendu parler de l'histoire, mettons, du parent qui jouait en dessous de la voiture et le petit garçon, ben là, la voiture est tombée sur le parent. Le petit garçon, voyant ça, a soulevé la voiture, permet permettant aux parents de se tasser. Le petit garçon de, mettons, 5 ans, qui a pas de force encore, qui est encore tout minus, ben, il a été capable, sous l'adrénaline... Quand tu veux, tu peux. Et voilà, de faire ça. Donc, encore là, c'est un peu l'apport du... un peu quelque chose d'intangible qui est pas pris encore dans la façon d'expliquer, justement, l'activité physique, le seuil de fatigue. Dernier exemple que je vous donne, les encouragements. Aussi simple que ça. Si je vous demande de faire une épreuve maximale sur tapis roulant, à chaque 3 minutes, on augmente de 1 km jusqu'à temps que vous explosiez. Si je vous mets une foule à côté de vous qui vous dit « Ah ouais, let's go, t'es capable », qui vous crie, qui vous encourage, probablement que vous allez toffer plus longtemps que si je mets un gars à côté qui a un air bête qui vous dit « T'es à chier, t'es pas bon, t'arriveras pas, regarde, tu vois, tu vas sauter, ça va pas bien, etc. etc. » Vous allez pas vous rendre aux mêmes limites. Ou juste ton kick que tu vas impressionner. Et voilà, juste l'orgueil et voilà, ouais. qui va être là, ça va faire que vous allez aller plus loin ou moins loin. Sauf que tout ce que je vous dis là, tous ces exemples-là ne sont pas pris en compte, comme je vous disais, dans la façon d'expliquer l'activité physique en ce moment, le sport, le seuil de fatigue. C'est juste purement physiologique aujourd'hui. Donc, moi, ce que je prédis, c'est que, justement, il y a des promesses derrière ça. Si on est capable de tout cartographier ça, on est évidemment capable d'emmener la performance à un autre niveau. Tu sais, juste l'exemple des fibres musculaires tantôt. Si on est capable d'aller recruter 10% de plus de fibres musculaires, on va être 10% plus fort, c'est bien sûr. Voilà, c'est sûr. Même bien plus que 10% plus fort, mais c'est juste que pour vous dire que la performance va passer par ça de plus en plus. Tu sais, un autre exemple bien simple, la caféine, là, dans le fond, c'est ça. Là. C'est la caféine, ce que ça fait, c'est que ça fait un stimulant et au niveau du cerveau, on est capable de repousser le seuil de fatigue un peu plus loin. C'est exactement ce que ça fait comme effet. Donc, dans le futur, moi, je pense que ça va vraiment passer par là. On va peut-être voir au futur, c'est encore, comme je disais tantôt, c'est tout le temps par le haut niveau, par l'élite que ça passe, les innovations. Fait qu'on va voir l'élite justement tester de nouvelles façons de repousser ce seuil-là plus loin. Et puis ça va inévitablement passer par les neurosciences, comme je vous disais, le fait d'explorer ce qui se passe dans le cerveau pendant qu'on fait X tâche, Y tâche. Donc ça va vraiment être révolutionné par ça. Génial. Wow. Hey, hein? Hey! Là, t'as l'expert qui vient de te dire qu'est-ce qui s'en vient. Et voilà, et voilà. Prends des notes, OK? Puis travaille là-dessus. On s'en parle dans 10 ans. Je parle au public. Ah, OK. Dans 10 ans, c'est ça. J'espère que vous aviez votre cassette. Ouais, la cassette, voilà. C'est ça. Tourne-disque. 53. C'est MP3, c'est dépassé dans 10 ans, je suis sûr. Donc, Maxime Bilodeau, on te retrouve tous les jeudis, 7h30, nouvelle case horaire. Sans faute. Aucune. Aucune. Et on apprécie beaucoup ton travail. Ça fait plaisir. Merci. En passant, je ne sais pas si je l'ai souhaité en tout début d'entretien, mais bonne année à vous et bonne année à vos auditeurs. Je pense qu'à partir de lundi prochain, c'est post-daté. On n'a plus le droit de le dire. Donc. Post-daté. C'est vrai. Ouais. Hey, j'oubliais, parce que je pense qu'on ne l'a pas dit à aucune des chroniques l'année passée. Tu as un blog. Ah, effectivement, ouais. Ben, c'est probablement juste moi qui ne vous l'ai pas dit. Ben, j'aurais dit. J'ai un blog, j'ai une page Facebook. Donc, si vous voulez entendre mes déblatérations et mes pensées, ben connectez-vous et puis vous allez pouvoir. Avoir du fun. Et là, arrête d'être humble. On peut parler. On va pouvoir t'écrire. Oui, on va pouvoir m'écrire. Et voilà, je suis rejoignable. C'est pas génial. Et oui. Adresse. Oui. Vas-y, dis-la, parce que les gens iront. L'adresse. Ok, bon, ben, allez sur le site. Ok, bon, ben, au pire, tapez d'une foulée à l'autre dans Google, vous allez le trouver. Sinon, c'est www.dunefouleealautre.com. C'est un blog sur WordPress et sinon, page Facebook d'une foulée à l'autre, justement par rapport à ce blog-là. C'est merveilleux, ça. Merci, Bilodeau. C'est génial. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons, un certain midi cette semaine. Eh bien, on va se transporter vers Londres parce que le métro londonien fête ses 150 ans d'existence. Donc, c'est le plus vieux métro du monde. Il fête durant tout le mois de janvier ses 150 ans et toute la toute première ligne de métro a ouvert le 9 janvier. Donc, directement, c'était hier. Et les gens ont pu faire le premier trajet en métro le jour suivant, donc aujourd'hui, mais voilà 150 ans. Quelques mois après son ouverture, le tube, hein, qu'on l'appelait comme ça, transportait plus de 26 000 voyageurs par jour et son tracé de l'époque constitue maintenant sa majeure partie de la Hammersmith and City Line. Aujourd'hui, on compte 3,5 millions de voyages journaliers. Il existe en tout 170 chemins de fer métropolitains à travers le monde. Je vous invite à découvrir 10 faits que vous ignorez finalement sur le métro londonien et qui sont assez intéressants quand même. Depuis son existence en 1863, il n'y a que 3 bébés qui sont nés à bord d'un des wagons du réseau de voies ferrées. Il y a premièrement une petite fille en 1924, une autre petite fille en 2008 et un petit garçon en 2009. Cependant, le présentateur télé Jerry Springer est né dans la station de métro Highgate, alors utilisé comme un bunker pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas né dans un wagon, mais il est né quand même dans la station de métro Highgate. Quand même, Jerry Springer. Deuxièmement, deuxième fin, eh bien, le Culex pipien F. molestusus est une forme de mouche qui a d'abord été découverte à bord du métro londonien ainsi que d'autres dans d'autres métros à travers le monde. C'est une espèce qui se reproduit toute l'année et a besoin d'espaces chauds et humides et pique les rats et les souris qui vivent dans le métro aini, bien sûr, que les hommes. Près de 500 000 souris vivent dans les tunnels du métro londonien. Pour les voir, rendez-vous à Waterloo Station ou encore à Oxford Circus. Quand même, hein? Si vous voulez voir des rats ou des souris. Une histoire d'amour est née aussi entre James Bowen et son chat Bob. James Bowen, un jeune londonien, était héroïnomane alors que le chat Bob est entré dans sa vie quand il a découvert le matou affamé et blessé dans sa cage d'escalier. C'était en 2007. Il ne se doutait pas que ce chat deviendrait son plus fidèle ami et puis son sauveur. Depuis, il a arrêté toute héroïne et autres drogues et continue sa vie de chanteur de métro. Toujours accompagné de son chat, leur histoire va être portée sur grand écran après avoir été raconté dans un livre intitulé « A Street Cat Named Bob », donc un chat de rue nommé Bob. Sinon, un autre fait des choses à savoir sur le métro londonien, c'est que d'après le livre de David Walenchinsky et Amy Wallace intitulé « Le livre des listes », on a retrouvé des objets assez étranges et bizarres oubliés dans le métro londonien et voici une petite liste non exhaustive. On a entre autres retrouvé des implants mammaires, un cercueil théâtral, on a même retrouvé un aigle empaillé, un bateau long de 4 mètres. On a retrouvé un bateau de 4 mètres quand même. On a retrouvé une fiole contenant du sperme de taureau. On a retrouvé aussi dans le métro londonien une fiole contenant... ça c'est le sperme de taureau. Une urne mortuaire contenant des cendres. On a retrouvé des chauves-souris mortes dans un conteneur. Ça, ben, je trouve ça ordinaire. Ici, assez spécial, on a retrouvé dans le métro londonien un kit de vasectomie. Et une autre fois, on a retrouvé aussi deux crânes humains dans un sac. Hein? Assez étrange à retrouver dans le métro. Autre chose à connaître assez étrange du métro londonien, eh bien Anne Naylor, aussi connue sous le nom du fantôme hurlant de Farrington, est une femme qui fut assassinée en 1758. Selon certains, elle hante toujours de ses cris, lancinant la station du métro Farrington. L'acteur William Tyrrell a été poignardé à mort en 1897 et on raconte qu'il hante toujours la station Covent Garden. Sinon, toujours dans le paranormal et le métro londonien, eh bien, des cris de femmes et d'enfants hantent encore la station Bethnal Green. Rappelons que 173 personnes y ont perdu la vie dans les escaliers de la station pendant la Seconde Guerre mondiale. Sinon, la station British Museum, qui est désormais fermée, avait pour réputation d'être hantée par la fille d'un pharaon prénommé Amen-Ra. Son cri est si strident que l'on peut croire entendre jusque dans les tunnels de Holborn Station. La nonne noire de la station Bank Monument serait le fantôme de Sarah Whitehead, dont le frère Philip a été pendu pour contrefaçon. Et on raconte que pendant 25 ans, elle s'est rendue sur le lieu de la pendaison pour demander à ce que son frère lui soit rendu. Enfin, à la station Aldgate, cette station est construite sur le site d'un immense charnier pendant l'épidémie de peste qui a sévi au 17e siècle, qui a été appelée la Grande Peste de Londres, et près de 1000 personnes y sont enterrées. Toutes des faits assez morbides sur l'underground de Londres. Sur ce, comme il y a plusieurs faits, et que je trouve ça vraiment très intéressant, tantôt on va aller parler du London Underground en chiffres, dans quelques instants, mais avant, on va poursuivre en musique avec la formation Ladytron et la pièce Ritual. On écoute tout de suite Ritual et ensuite on continue avec des nouvelles par rapport aux 150 ans du métro londonien. Formation Lady Tron et la pièce Ritual. Vous êtes bien sûr dans le Dîner de con, micro Danny Janvier avec vous jusqu'à 13h. Et on était dans un très, très bon article, en tout cas moi qui m'intéressait beaucoup. Peut-être pas à vous, peut-être, ça se peut, c'est quelque chose peut-être que vous trouvez complètement anodin. Mais moi, que je trouvais vraiment intéressant, c'est on parle de choses dont on ignore à propos du métro londonien qui fête aujourd'hui, hier, durant tout le mois de janvier, ses 150 ans d'existence et puis qui est le premier métro, finalement, du monde. On tantôt, il y a deux secondes, on parlait de choses morbides et de choses mortes, de cadavres et tout ça, par rapport au métro londonien. Cette fois-ci, on parle de l'underground, mais cette fois-ci en chiffres. Donc, 1 milliard 107 millions de trajets sont effectués avec le... Mais pourquoi 1 milliard sont effectués avec le métro londonien chaque année? OK, donc peut-être chaque personne et chaque trajet, peut-être, mais je trouve que le chiffre est assez extraordinaire. 1 milliard 107 millions de trajets sont effectués avec le métro londonien chaque année. Le réseau ferré est long de 400 km et il existe 4134 wagons qui relient les voyageurs d'un bout à l'autre de Londres. Un voyageur passe environ 11,5 jours par an dans le métro londonien et bien que plus de la moitié du métro londonien ne soit pas souterrain, un passager passe en moyenne 5,2 jours sous la terre, dans les tunnels. Quand même, assez extraordinaire. Sinon, on va parler des stations fantômes du métro londonien. Eh bien, il existe près de 18 stations fantômes parmi le réseau ferré métropolitain de Londres. Et ce sont des stations abandonnées ainsi que des plateformes où la poussière s'accumule et où les souris trouvent un bon refuge. L'une des stations fantômes les plus connues est celle d'Aldwych en photo. Si vous avez la chance, il arrive que certaines visites accompagnées soient organisées par la ville de Londres. Alors, si vous comptez passer quelques jours dans la capitale, pourquoi ne pas visiter la station d'Aldwych? OK, mais on ne nous dit pas qu'est-ce qu'elle a de particulière, mais quand même. Sinon, les odeurs néfastes du métro londonien. En 2001, un parfum d'ambiance appelé Madeleine a été utilisé dans plusieurs stations de métro, notamment à St. James Park, Euston et Piccadilly Circus. Piccadilly, la station. L'idée étant de rendre le trajet des passagers plus agréable grâce à ce parfum d'ambiance, mais apparemment, ça a été un flop et l'idée fut vite abandonnée. Sinon, un autre fait par rapport aux stations design. En 1916, Edward Johnson crée la police de caractère Johnson, la police de caractère du métro de Londres qui est maintenant mondialement connue. C'est vrai que c'est une belle police de caractère, ça. La Johnson, c'est vraiment... De 1923 à 1947, l'architecte Charles Holden dessine les stations du métro pendant les années 20 et 30 à Musgrave, qui est en photo sur la page Facebook du Dîner de con, le lien est là. Et en 1931, eh bien, un employé du London Underground, prénommé Harry Beck, crée le plan du métro actuel qui remplace le plan utilisé précédemment. Presque tous les systèmes ferroviaires urbains dans le monde possèdent désormais une carte stylisée de la même mise en page et de nombreuses compagnies de bus ont également adopter le concept. On se rappelle, hein, on le sait, c'est des petits points, des lignes, quelque chose d'assez simple et clair à regarder. Sinon, on parle d'escalier roulant du métro londonien. Le Bumper Harris est toute la... Bumper Harris est la toute première personne à avoir testé en 1911 les escaliers roulants ou les escalators, plus connus sous le nom, bien sûr, d'escalators du métro londonien. C'était à Earl Court. Son rôle était de montrer que ce nouveau mécanisme était sans danger. Que ferions-nous aujourd'hui sans ces escalators? Sauf quand ils virent fous, là, comme dans la nouvelle d'hier. Surtout que le métro londonien n'est pas comme celui de Paris ou Bruxelles. Les stations y sont construites en profondeur, ce qui rend les escaliers roulants très pratiques. Ben, les autres places, en tout cas... beaucoup de stations par rapport aux usages alternatifs. OK, on va parler des usages alternatifs du métro londonien. Beaucoup de stations ont été utilisées comme abris anti-bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, telles que Holland Park, qu'on voit en photo en lien sur la page Facebook du Dîner de con. Le Central Line a été converti en une usine d'avions même pendant la Seconde Guerre mondiale. Son existence est restée un secret officiel jusque dans les années 80. La station Downtown, qui était située près de Mayfair et qui est aujourd'hui fermée, était utilisée pour abriter le président Winston Churchill et son cabinet de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Hey, mais vraiment très, très, très intéressant tout ce qu'on a parlé par rapport au métro londonien. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. assemblage requis. Pas d'intro pour la chronique de Simon qui commence. Je sais pas si François, si on pointe ton micro vers le dehors. C'est pas, hein? Mais là, c'est arrêté. Non, là, il fallait bien qu'il arrête. Surtout le même. Alors, comment? Il check la lumière, dans le fond, quand on retombe en. OK. Là, si je monte tout le monde au max, là. C'est bon? On l'entend un peu. On l'entend, puis là, on crie. On a l'air de crier. C'est belle fin. Donc, c'est ça, c'est la chronique en construction de Simon qui va nous partager son humeur du moment. C'est pas mal ça, hein? Oui, exactement. Ben, dans le fond, à chaque semaine, je vais venir vous parler de quelque chose qui me tape ses nerfs, un peu, d'une certaine façon. Ouais. Ben, en fait, une semaine sur deux, ça va être une chronique Zone Campus, bien sûr, celle que j'écris dans le journal que je vais venir vous présenter avec quelques extras. Oh, du bonus, toi? Du bonus. Parce que moi, à chaque fois, Stéphanie me dit, vous pouvez aussi lire la chronique de Sébastien Dans le journal, je dis ouais, puis si vous voulez des détails, écoutez-la à la radio. Ah, une genre de petite pin tout le temps, tu sais. Elle aime bien ça. C'est très bien ça. Donc, c'est tellement bon d'être de retour chez soi, messieurs. Non, mais hein, c'est qu'on s'ennuie en fait de pas se lever tôt et de rusher le soir, la veille, pour écrire une chronique qui, on l'espère, sera à la hauteur de la dernière qu'on a faite. Donc, je suis de retour après une longue retraite qui aura duré un total d'une seule saison, en fait, quatre l'automne, mois. Comme ouais. Ça. Ouais, l'automne. T'as fini au mois d'août, t'avais une chronique pour les nuls cet été où t'expliquais quelque chose au grand public, tu sais. Oui, exactement. Quelque chose d'incompréhensible que tu rendais compréhensible, tu sais. J'essayais, du moins. T'as réussi, t'as réussi. Ben, merci. Peux te souvenir de ça, je sais pas pourquoi. Non. Ben là, certains me diront, ben là, Simon, d'abord, j'aimerais te dire que j'aime beaucoup ce que tu fais, mais t'avais pas dit que tu décidais de prendre ta retraite du monde de la chronique parce que tu voulais faire place à la relève. À ça, je répondrai oui, mais en ayant le cœur sur la main, vous comprendrez que je peux pas priver le monde de ma sagesse et surtout de mes opinions. C'est bien beau, les ondes campus, ça paie bien, et il est écrit dans mon texte, mimer les guillemets, mais le geste, donc, ça reste c'est en fait plus une opportunité d'avoir une seule opinion, c'est-à-dire aux zones campus, c'est une seule opinion en deux semaines, mais là, je pourrais en avoir une à chaque semaine. Et bon, la relève, c'est bien beau, là, mais il faut rajouter de la qualité à cette émission. Non, t'sais, on peut avoir les deux, tu peux avoir des vétérans et de la nouveauté, il y a de la place pour tout le monde. Regarde, on t'a mis à 7h30, gros prime time, ça. Oui. Ben là, aujourd'hui, t'es à 8h. Oui, c'est ça, mais habituellement, je vais être les lundis à 7h30, je vais être le premier, dans le fond. C'est le bonheur, le exact. Premier de la semaine. Tu casses la glace. Ouais, je casse la glace. Je pense que vous aviez besoin de quelqu'un d'expérience pour ça. Un coup de marteau, là. C'est pas nous autres qui va faire ça à 7h le matin, mettons. Amener de l'expérience. Ah, mais c'est vous qui avez de l'expérience. Uh-huh. Mais... En tout cas. Ouais, voilà. Arrête de te complimenter toi-même puis complimente-moi un peu. Hein? On soit aussi vous des compliments. Je vous trouve vraiment très bon, messieurs. Ça a l'air fake du même parce que je viens de te dire. Ouais. Non, mais je suis vraiment content d'être de retour à la. Je suis vraiment content d'être de retour au Bertail quand même. On est content aussi de t'accueillir. Pour c'est vrai. Merci. On s'ennuyait de toi pendant ces gros 4 mois-là. Ouais. Mais j'aimais bien aussi quand t'étais après François Landry. Ben avant, en fait, François Landry, mais tu restais pour sa chronique. Charlage. Ben c'est ça, tu rajoutais aussi... Je faisais des suppositions pendant la chronique de François Landry. C'était bien. Mais écoute, je suis ravi de te voir le lundi. On va commencer la semaine ensemble. Ah, voilà. Ça va être une nouvelle expérience pour nous, une nouvelle aventure. Ça va être très dans la main. Et le jeudi, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qu'il va être le jeudi d'habitude, ça va être justement François Landry. Et, ouais, François Landry revient à même heure, même... À 8h30. Ouais. Et puis, ça va être Jasmine à 8h et mon arrivée. Mais de retour à Simon, c'est lui le focus de la chronique. Ah oui, focus, les gars. Oui, donc voici ma toute première chronique de l'année. Nous sommes entrés en 2013 et voici donc quelques événements à surveiller. 2012 a été sans conteste une année remplie de rebondissements. On a connu le grand mouvement de grève étudiant, le plus grand en fait depuis les années 1960, et c'est la division évidente qui s'en est suivie. Nous avons aussi élu un gouvernement un peu moins pire que le dernier, avec à sa tête la première ministre du Québec. De plus, le jeune au sang a perdu ses élections. Non, mais il faut le souligner, tu sais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vitrines pour s'exprimer. Finalement, sur la scène locale, la GEQTR a souffert d'incompréhension, de supposées suppositions et d'incompétence, ainsi que de renvois, d'émissions et encore difficile à expliquer et tout. Ça n'arrête pas, c'est un roman savon, c'est incroyable. On couvre ça dans le zone campus, si ça vous intéresse de toute façon. Ah, oui, c'est le fun de couvrir ça, là. Ça doit. Du matériel, du crunchy. Donc, heureusement, nous sommes sortis sans trop de heurts et nous pouvons regarder vers l'avant, vers cette nouvelle année qui commence. Une année qui s'annonce, elle aussi, chargée. Et voici ce que nous réserve en quelques lignes 2013. Tout d'abord, le sommet sur l'éducation. Eh bien, ceux qui croyaient avoir fini d'entendre les maudits étudiants et leurs revendications en 2013 pourraient être surpris. En effet, le sommet sur l'éducation supérieure organisé par le journaliste, je veux dire le ministre Pierre Duchesne, 3 semaines entre les deux, c'est quand même différent. Donc, ce ce sommet-là s'annonce fort en rebondissement cette année. C'est un secret de Polichinelle. L'AC s'efforcera de perturber autant qu'elle pourra le sommet. Pourquoi on parle, bien sûr, de l'irréalisable et dogmatique gratuité scolaire, alors que la fédération, les fédérations plutôt comme la FERC et la FEC, feront les belles près de leurs amis péquistes. La TASEC, pour sa part, tentera de ne pas se faire oublier, alors que les recteurs, eux, bien sûr, la CREPUC, tenteront de faire pitié en menaçant de bouder les rencontres. Le tout, bien sûr, c'est pour donner une opportunité au PQ d'imposer en faveur l'indexation, bien sûr, des droits de scolarité. Faut pas rêver, là, ce sera pas nécessairement très, très, très ouvert comme sommet. Quoi qu'on va laisser quand même la place à la parole, ce qui est intéressant comparativement à l'ancien gouvernement un peu plus pire que celui qu'on a. Qui voulait rien entendre. Qui voulait rien entendre, ce qui était pas, dans le fond, ce que les autres voulaient dire. Là. Ils voulaient comme parler dans leur oreille. Ils faisaient les... parler entre eux autres. Ouais. Base communicant de je sais pas quoi. Base communicant de libéraux. Oui. Donc, mais qu'est-ce qui se passe avec l'AGE-QTR dans tout ça? Est-ce qu'elle va être partie prenante au sommet? Fort est à parier que non. Ne faisant pas partie d'une association étudiante nationale, il est virtuellement impossible qu'on leur fasse une place d'importance dans les démarches. Cependant, il existerait une issue. Oui. En effet, il se pourrait en fait que l'AGE-UQTR tente de réactiver l'Association nationale des étudiants du Québec, ANEC ou ANEEC, ceux qui sont vraiment littéraux. Donc, la défunte Association nationale des étudiants désertée après maintes déchirures et dissensions au début des années 1990. Tel un docteur Frankenstein, l'AGE-UQTR en fait se donne le mandat de réveiller les morts et de tenter de reformer une ANEC constituée d'associations orphelines, c'est-à-dire des associations qui se sont désaffiliées la plupart du temps des fédérations, puisqu'il y a peu de gens qui quittent l'AC parce qu'ils ne quittent pas l'AC qui veut. Comme une secte. Ben, un peu, ouais, genre avec des gourous. C'est un peu comme Option nationale, en fait. L'ANEC serait constituée, oui, d'associations orphelines, des petites associations en Outaouais, etc., qui voudraient être représentées. Il s'agirait, en fait, d'une chance pour notre petite association, il faut le souligner, d'occuper une place plus grande que celle qui lui serait accordée au sein d'une autre grande association. C'est-à-dire que à la FERC ou à l'AC, la GEQTR a, je pense, un vote comparativement à d'autres qui en ont trois à cause du nombre d'étudiants. Exactement. C'est pas énorme, mais ce serait une façon donc de passer en dessous du radar et de jouer un jeu de passe-passe dans le fond. De donner une place un peu plus importante que celle qui nous revient. Cependant, par contre, la possibilité pour l'AGE-UQTR de s'affilier avec une association nationale reste peu probable. Afin plutôt de remettre sur pied l'ANEC, il faut d'abord trouver d'autres regroupements d'étudiants qui seraient intéressés à lancer une telle entreprise. Ensuite, il faut mettre la main sur les lettres patentes de l'association, retravailler la charte et finalement soumettre l'affiliation au vote des étudiants. C'est la forme de référendum qui sera pas gagné d'avance. Je vous rappelle, on a eu un vote d'affiliation avec la TASEC qui a eu moins de 10% du vote il y a à peine 2 ans. Évidemment, il faudrait que tous ces astres soient alignés, ce qui n'est pas une mince affaire. Et n'oublions pas que le sommet est en février. Donc C'est là. On en est à préparer le café là, pour le sommet. Mais donc, ça reste quelque chose de quand même assez ambitieux. On verra peut-être dans les prochaines années si c'est à faire. Mais tu sais, on peut pas reprendre une association qui s'est dissociée en 1990, faire comme si rien n'avait changé. Ça fait pratiquement 25 ans qu'il n'existe plus. Depuis ce temps-là, il y a Internet qui est arrivé, il y a les téléphonies cellulaires. Se mettre à jour. Faut remettre tout à jour. Ce qui nous amène maintenant à notre second topic de la journée, celui des élections. Et donc, la vie d'un gouvernement minoritaire est toujours variable et surpasse rarement les 24 mois. Cependant, le gouvernement marois, qui se met souvent, c'est-à-dire parfois, quelquefois, les pieds dans les plats, pourrait bien... être défié par un parti libéral pressé d'ici la fin de l'année 2013. Nous pourrions donc nous retrouver en situation électorale au Québec pour une deuxième fois en 2 ans. Nous aurions encore la chance de choisir le moins pire des gouvernements et confirmer encore cette année à quel point le Québec est déchiré entre la gauche, la droite, l'identité et la continuité. Et François Legault qui est comme nulle part là-dedans, mais partout en même temps. Exact. Espérons simplement que le gouvernement fera de bonnes décisions et peu de bêtises. Question de repousser un peu l'échéancier électoral afin de nous offrir une pause d'élection. Parce que si je m'emmenais, là, ça commence à faire. Et parlant justement de se mettre les pieds dans les plats, hein, le gouvernement marois, bien soulignons également que les élections de la GEQTR auront lieu ce printemps. Ces élections risquent d'être assez hautes en couleur vu l'entrée en vigueur des nouvelles politiques électorales de l'association qui limite de beaucoup l'accès des membres souhaitant s'impliquer dans la vie associative. La nouvelle politique électorale, telle qu'adoptée par le conseil d'administration de la GEQTR, impose une mise en place d'un comité responsable d'évaluer l'éligibilité des candidatures d'étudiants qui souhaiteraient s'impliquer en tant qu'officiers. Ce genre de mesure-là a comme but officiel de s'assurer que l'étudiant a un minimum de connaissances du fonctionnement de l'association étudiante. Entre autres, on pourrait demander au candidat d'avoir occupé un poste au sein de son association ou d'avoir de l'expérience dans une instance de la GEQTA, ce qu'on appelle un catch-22, ce qu'on tourne tout le temps en rond pour essayer d'avoir les meilleurs critères possibles. Ce genre de critère-là est pourtant un cauchemar pour la démocratie de l'UQTR, bien sûr. C'est irréaliste et même irresponsable de limiter les possibles candidatures lors d'élections qui ont du mal déjà à rallier les étudiants, puisqu'on n'est jamais au-dessus de la barre des 20 %. Et de plus, il est arrivé souvent dans ces dernières années qu'il n'y ait même pas assez de candidats pour combler tous les postes ouverts à l'élection. Et il ne fait nul doute qu'une procédure aussi ridicule et asphyxiante pour notre démocratie fera des vagues pendant l'année 2013. Et avant de terminer, j'aimerais aussi souligner, ça c'est comme un genre d'extra radio. En 2013, moi j'espère vraiment voir Jimmila Benhabib s'installer à Trois-Rivières. Okay. Parce qu'elle a dit après les élections qu'elle avait l'intention de s'installer à Trois-Rivières et de se représenter pour le PQ. Là, après ça, ben, elle disait qu'elle cherchait un appartement à Trois-Rivières, une maison, et qu'elle avait l'intention de se présenter pour le BQ. Une Benhabitation. Oui, mais maintenant, elle ne parle même plus de Benhabitation, rien, et même plus sûre de se présenter pour le PQ. Donc, moi, j'attends mon invitation à la pendaison de crémaillère de Jimmila Benhabib, qui, elle aussi, s'est mis les pieds dans les plats, comme son parti, en allant beaucoup trop vite dans son amour pour la Mauricie. C'était pas Benhabil. C'était pas. Et de deux. Merci. Ouais, c'est très bon, franchement. Je m'ennuyais de ça. Je m'ennuyais vraiment beaucoup de ça. Enfin, une personne qui s'ennuie des affaires et non sarcastiquement. Non, pas du tout. Et donc, j'espère recevoir mon invitation à la pendaison de crémaillère de Mme Benhabib. Et donc, en somme, cette année qui s'en vient s'avère assurément intéressante. Le monde étudiant n'a certainement pas fini de nous surprendre et la politique, qu'elle soit locale ou nationale, nécessitera notre attention et question de ne pas trop nous en faire passer sur le nez, bien sûr. Bonne année à vous, chers auditeurs adorés. Hein, je fais la transition de lecteur à auditeur à la radio, c'est quand même intéressant. Et continuez à nous écrire et à réagir. Ah, c'est beau! Génial. Une chronique d'opinion. Ouais. On se comprend. Est-ce que ça vaut la peine de préciser, genre, l'opinion de Simon Fitzbé et l'opinion de Simon Fitzbé dans cette chronique-là, je pense? Faut pas oublier, en fait, de dire que je suis chroniqueur aux ondes campus parce que si jamais il arrive de quoi, le journal me back. C'est juste ça. OK, parfait. François, tu prends des notes. Moi, pour la radio, je prends en note que c'est un texte d'opinion. Oui. Parfait. C'est une chronique. Mais t'es bien fin. Puis on est très heureux de te revoir. Ben oui, certainement. Je sais pas si tu voulais appeler ta chronique en pleine face, sûrement en pleine face, quelque chose comme ça. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Parce que sinon, moi, je t'avais trouvé un slogan. On avait trouvé un pas pire. Okay. Slogan. Okay. Attention. Okay. Simon Humeur te déplaît. Oh. Simon Humeur te déplaît. On va faire ça. On va prendre bon, ça. Hein? Ouais, c'est vraiment très, très bon. Il est pas pire. Ouais. Moi, branding, marketing, tu sais, ça vient d'être là. Le hamster spin vite. Ça spin là pas mal. Ben, arrête pas. Donc, Simon Humeur te déplaît, ben mange là. Etc. Tu sais. Bon. Merci, Simon. Merci à vous. À la semaine prochaine, tous les lundis à 7h30. 7h30, on commence la semaine avec Simon. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.